Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième Anime Minute EX. On tient à ouvrir ce bal pour vous dire merci à tous pour les retours des derniers. On est surtout tous de retour ensemble chez Yannick et Eric qui sont même là eux-mêmes. C'est incroyable, on ne squatte pas seulement. Donc ça fait plaisir. On espère que vous allez tous bien chez vous. On espère que tout s'est plutôt bien passé pour vous et que vous puissiez rester toujours en sécurité et bien chez vous. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec déjà un nouvel invité. Il est encore jamais arrivé, ça me fait plaisir de l'avoir. Benjamin Louis, a.k.a. Night Sarix sur les réseaux de l'Internet. Salut Ben, comment ça va? Salut, ça va. Et que tu peux... C'est difficile à parler aujourd'hui. Hein. Oula, ouais, c'est compliqué. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui pourraient ne pas te connaître? Alors, me présenter sur quel... Comme tu le sens. Comment tu veux te présenter? Comment ils veulent te connaître? Ok, grosso modo, bah... Sur les internets, j'existe. IRL, j'existe aussi. Des deux côtés, c'est un peu random. Je fais un peu ce que je peux. Et j'essaie de faire en sorte que ça fonctionne bien, quoi. C'est bien. Et tu as une chaîne Twitch, quand même. Bah oui, tu l'as dit, Night Sarix. Voilà. _ Sarix. On en reparlera à la fin de l'émission, comme toujours. C'est le grand retour de la mascotte un peu de l'émission, quand même. On nous le réclame. C'est quand même fou, parce qu'à chaque émission, on me demande... Où est Eric? Ah bon? C'est incroyable. T'es vraiment... T'es un gage de qualité pour l'émission. Donc, Eric Druot, le retour. Eric, comment vas-tu? Ah bah, très bien, merci. Bonjour à tous. Eric, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Alors, pour copier sur Ben, qui est juste à côté de moi, dans la vraie vie, on me connaît. Par contre, sur Internet, on me connaît très, très peu. Hein. Ouais, donc en fait, t'es une vraie star. Finalement. Bah, surtout que dans la vraie vie, tu es une vraie star, on peut le dire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas ça que ça se passe, on va sentir. C'est vrai. Parce que la description de quelqu'un de connu dans la vraie vie, c'est une star, vraiment. Parce que sur Internet, c'est un youtubeur qui est dans sa chambre. Oh, dans la vraie vie, c'est une star, vraiment. Bon, bah, faut croire que je suis une star. Comme quoi, et bah. Comme quoi, je ne le savais pas. Heureux d'avoir une star autour de cette table. Ah bah, heureux d'être parmi vous. Ça fait très plaisir, ça fait très plaisir. Et évidemment, mon co-host, mon double face, mon Némésis. Mon jumeau maléfique, Yannick Ham. Salut tout le monde, bonjour Arthur. Et bah, ça fait plaisir de te revoir enfin. Bah oui, même si on a fait un épisode il n'y a pas très longtemps. Oui, mais en physique. Ah, en physique, évidemment, évidemment, toujours. Donc, parce que qui dit physique, dit petit jeu au milieu d'émission déjà, d'abord. Dans le respect des règles barrières. Alors, oui, alors... Là, malheureusement... mais faites attention chez vous, évidemment. Donc voilà, retour des petits jeux. Donc ça va arriver, vous le savez, dans environ une heure. Donc mettez-vous bien dans le canapé. Quel est le thème du jour? Vous le savez très certainement, vous avez lu le titre. On va parler des adaptations de jeux vidéo en manga, anime, film animé. Ce qu'on précise pour certains autour de la table. Qui m'ont posé la question hier soir. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Donc on va parler de tous ces jeux et de ces adaptations. Et finalement, de ce qui est pour nous une bonne et une mauvaise adaptation de jeux vidéo. On rappelle, on est une bande de passionnés, pas d'experts. Donc on est là pour un peu voir le prisme de tout ce qui entoure ce thème. Et un peu en décortiquer déjà, voir un peu tout ce qui gravite autour et d'en parler. Mais avant d'attaquer tout ça, on commence par les fameuses recommandations. Donc les recommandations pop culture japonaise, un peu générale, on va se mentir. On peut tricher, tant que ça a à peu près un rapport de près ou de loin au Japon... On prend, il n'y a pas de souci. C'est pas Eric. Oui, oui, bon, ok, j'étais à deux doigts de vous conseiller une série anglaise, mais on sait très bien que ça rentre pas dans le truc. Et bah, Eric, je vais te laisser commencer du coup. Qu'est-ce que tu as à nous recommander ce mois-ci? Alors, ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci. Ce mois-ci. Pas forcément sorti ce mois-ci, on rappelle. Ça peut être sorti entre aujourd'hui et le début de l'humanité. Et ben, du coup, ça va. On va venir à. Il y a 20 ans, voire même un peu plus de 20 ans. Oula. Et oui, il faut croire. Hein. Parce que c'est une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Eh bien oui. D'ailleurs, c'est pour eux, hein, justement, hein, parce qu'on ne sait jamais. Du coup, moi, je me suis remis à Yu-Gi-Oh! Ah. J'ai regardé la série en étant petit, donc elle était cool. Hein, mais le problème, c'est que c'était une série basée sur l'adaptation américaine. Qui est faite par 4Kids. 4Kids. 4Kids. Alors, on parle bien de Duel Monster. Oui, de Duel Monster, pas ce qu'il y a après pour le moment. Je dis bien pour le moment parce qu'un jour, je vais peut-être vous prouver pourquoi, dans la troisième série, faire des duels à moto, c'est cool. Et pourquoi c'est bien justifié. Mais tout ça pour dire que là, j'écoute... Enfin, je regarde Yu-Gi-Oh! En, Tu es québécois, tu peux dire que tu écoutes. Hein. En québécois, oui, non, mais oui, en Vostfr, enfin, plus en Vosta, parce que la Vostfr, je la trouve pas. Et les musiques, enfin, les OST japonaises sont vraiment sublimes. Les acteurs, enfin, je sais plus, les seiyuu. Les seiyuu sont vraiment très bons. Et honnêtement, vous rateriez quelque chose à regarder l'adaptation américaine, parce qu'en plus, vous n'auriez même pas toute l'histoire. Alors. Donc. Du coup, moi, j'ai pas vraiment super, c'est que... Alors, je suis d'accord, en termes... Quand mais on regarde sérieusement l'anime, c'est mieux de voir la version japonaise avec les seiyuu, les OST, parce que c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Dans ce cas, du coup, j'ai envie de même dire, du coup, lisez le manga, parce que là, vous allez avoir... Bah, justement, je voulais le dire. Mais du coup, je rebondis un petit peu là-dessus avant de te redonner la parole. Oh, bon. Cher. Franchement, regardez la VF. C'est super gaulerie, quoi. C'est super drôle, sa mère. Non, sans déconner. Bah, que ce soit la VO ou la VF, elles se regardent, mais pour deux raisons différentes. C'est ça. C'est que... Et si vous regardez la VO, regardez la saison 0. Oui. La saison 0 qui adapte, en fait. Du coup, les 4 premiers tomes du manga, qui, donc, avant que vraiment le duel monster, donc le jeu de cartes, soit instauré, qui est juste ultra dark de ouf. Enfin, c'est ouf. Bah ouais. Et, mais voilà, sinon, mais en tout cas, sur Netflix, il y a tout Yu-Gi-Oh! Du Monster. Ah, adapté de 4Kids. Oui, en VF. Oui, oui, parce que sinon. Sans déconner, c'est trop bien maté. Encore maintenant, je trouve ça trop. C'est comme Nicky Larson en VF, c'est trop bien maté, quoi. Bah, en vrai, autant dire aussi que sans la VF, on n'aurait pas tout ce qui est mème et tout aujourd'hui. Aussi. Bah, évidemment. Ouais, c'est sûr. Dis pas que c'est mieux ou moins bien. Non, je veux dire. J'ai regardé les deux versions. Enfin, du coup, je suis en train de finir. Enfin, je vais pas vraiment finir. J'en suis à la moitié de Duel Monster. En voix japonaise, du coup, et bah j'ai oublié ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Le manga. Oui, coup, et du coup, oh bah. Du coup, tu t'es fait avoir et t'es tombé dans son piège. Exactement, ah, trap card, voilà. Bien joué. Merci, voilà. J'ai pas de contre-piège, mais tout ça pour dire que, bien évidemment, faut lire le manga, qui est mieux, et pas du tout censuré, et là, vous verrez que c'est encore beaucoup plus gore et beaucoup plus violent que ce qu'on voit dans l'anime. Et comme ça, vous aurez peut-être l'occasion de lire Yu-Gi-Oh! R, qui est tout aussi intéressant. Mais très court. Et qui se passe... C'est en parallèle. En parallèle, ouais. Ouais. Surtout sur Kaiba, en fait. C'est centré sur Kaiba. C'est Kaiba et Pegasus, si j'ai bien compris. Et puis voilà. De toute façon, après, Yu-Gi-Oh! Et Yu-Gi-Oh! R sont les seuls originaux de l'auteur. Après, c'est adapté de l'anime, et non plus l'inverse, dans de GX. Ouais, mais je crois que dans 5D, c'est lui qui a donné l'idée des motos. Ah oui, non, mais... Il donne peut-être des morceaux d'univers et tout. Vous regardez le micro pour parler. Je regarde. Oui, voilà. Oui. Mais oui, en fait, c'est que l'auteur est toujours superviseur. Ça, y a pas de souci. Mais faut pas oublier que c'est d'abord l'anime pour vendre et après le manga adapté. Maintenant. Oui, voilà. Ce qui n'empêche pas que, du coup, la dernière fois, vu que t'as pas écouté le podcast de la dernière fois, j'ai conseillé Yu-Gi-Oh! Sevens. Ah, bon, bah voilà. Non, mais y a aucun problème. Non, voilà. Mais... C'est que toutes les saisons ont des bonnes choses et des mauvaises choses. Donc, n'hésitez pas à commencer soit Sevens, soit Normal. Soit n'importe quelle saison, GX, ouais. C'est un peu plus complexe déjà de commencer. Ouais, vaut mieux commencer par Duel Monster pour faire GX, voilà. Avant. N'hésitez pas à donner votre chance à Yu-Gi-Oh! De la saison que vous voulez. Il y a tout à manger dedans, vraiment. Mmh, ça, c'est vrai. Est-ce que tu as autre chose à nous recommander, très cher? Eh bien, malheureusement, non. Mais il n'y a aucun problème. Ben, on va passer à toi. Qu'est-ce que tu as donné à manger à nos chers auditeurs? Alors, moi, j'ai comme recommandation un jeu vidéo. Ouais. Mais qui en fait permet de jouer à 51 jeux qui viennent de partout dans le monde. Je vois tu veux revenir. Oh. Voilà, donc le 51 jeux, 51 Worldwide Games sur Switch. C'est ça. Qui permet, et c'est assez rare quand même, je trouve, d'avoir une adaptation de Mahjong japonais, de Mancala, donc africain, de jeux de petits chevaux un peu plus. Yonafuda, il y a des échecs. Voilà. Il y a vraiment des jeux d'un peu partout. Comme le nom l'indique. Et bah, si vous aimez un peu le jeu de société traditionnel, il y a moyen de passer du temps très sympathique là-dessus. Ouais, t'as pu tester un peu du coup les adaptations de pas mal de jeux dessus encore déjà ou... Ouais, bah, j'ai le Mahjong japonais. Donc, ouais. Moi, je savais déjà jouer. En vrai, je trouve que leurs explications sont relativement correct. Ok, donc ouais, écoute, facilement. T'as un tuto pour chaque jeu. Ouais, il y a un tuto pour chaque jeu. C'est cool, quand même. Truc intéressant, si jamais vous ne voulez pas prendre le jeu, mais que vous connaissez quelqu'un qui a le jeu, téléchargez la version démo, qui est gratuite, et avec le système de jeu en local, avec une personne qui a le jeu, vous pourrez jouer avec la personne sur n'importe quel jeu de son choix. Ah, c'est cool, ça. Super, ouais. Voilà. Ah, donc il y a accès à tous les jeux. Donc sur la démo, tout seul, il y a accès à 4 jeux, qui sont pas forcément les 4 que j'aurais choisi. Il y a les dominos, il y a le président, il y a le puissance 4, et il y a un circuit de voiture. Ah oui. Voilà, c'est pas forcément ce que j'aurais choisi. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais si vous connaissez quelqu'un qui a le jeu, il peut faire un salon local pour jouer avec vous à n'importe quel jeu cool, des 51. C'est cool que tu aies pensé au partage de connexion, connexion comme ça, c'est cool. Ça rappelle les anciens jeux où t'avais une cartouche à jouer, enfin pour 4 personnes. Ouais, sur DS et 3DS, voilà. Surtout sur DS, c'est là où ça s'est vraiment démocratisé quand même. Et après, c'est un truc que Nintendo a toujours gardé, le côté partage. Ouais. Bah, ça fait un moment qu'il ne l'avait pas fait quand même, il y a tout. Après, il y avait moins de jeux qu'il essayait, Du coup, quand tu jouais à des Force Wars et tout, fallait avoir les 4 jeux ou une seule personne? Par exemple, Triforce Heroes, tu pouvais avoir une seule cartouche, mais et les deux autres. Du coup, les deux autres n'avaient pas le choix du perso, etc. Ok. Ouais, c'était limité. C'était limité, mais tu pouvais. Voilà. Mais parce qu'avant, sur DS, il y avait plein de choses. Par exemple, Force Wars Adventure sur GameCube. Alors, il y a eu la Game Boy, il fallait 4 cartouches. Il y a aussi Force Wars Adventure sur GameCube qui demandait pour jouer à plusieurs des Game Boy Advance et des câbles. Voilà. Et au pire juste ça. Et pire, bon bah alors pire non, du coup il y a pas les jeux. Crystal Chronicle qui demandait quand même pour jouer à deux Game Boy et deux câbles. Alors que il y avait GameCube et des manettes. Ah ouais, quand même là. Voilà. C'est vraiment histoire de dire non mais achetez des câbles les gars alors qu'il y a des manettes les gars. Alors, c'est mauvais. Voilà, mais du coup ouais, sur le jeu Switch là, le fait de pouvoir avec la version démo totalement gratuite pouvoir jouer avec quelqu'un qui a le jeu, ça permet dans un groupe d'amis, il y en a un qui achète le jeu et puis vous faites c'est des cool. soirées de société comme ça. Dans une famille bon, qui a plusieurs Switch, évidemment, est-ce qu'on peut jouer en local sur une seule console? Il y a possibilité de faire du 2 joueurs sur une seule console sur certains jeux. Ouais. Après, sur par exemple. Pas de main, par exemple. Voilà. Voilà. Les jeux où, comme le Mahjong par exemple ou l'Anafuda où compliqué. Chacun a sa main. Ouais, puis bon. C'est un peu délicat. En plus, Mahjong, je me souviens bien, il y a certains trucs un peu en temps réel. Si je ne dis pas de bêtises. C'est bien adapté avec la possibilité, avec grosso modo le jeu qui s'arrête le temps de te laisser décider si tu prends, si tu prends pas. Ouais. Comme les jeux Uno et tout, trucs genre. Ok, non, c'est cool. Donc tu peux rappeler le nom du jeu, s'il te plaît? 51 Worldwide Games. Ok, et donc c'est une exclus Switch. Et ouais, c'est une exclus Switch. Ok, bah top. Bah, c'est une petite adaptation avec des jeux en plus de 42 jeux indémodables qui étaient sortis sur DS. Donc, ouais, 9 de plus. Oui, c'est vrai qu'il y avait eu ça sur DS. Ouais, mais c'est con parce qu'il y a tellement peu d'adaptations de board game classiques sur console. Voilà. Bah, pour 50 balles, on a tout en un seul endroit. 40. Il est à 40 ce jeu-là. Même sur l'eShop? Sur l'eShop, il est à. Moi, je suis sur Switch. Sur l'eShop, il est à 39,99 et c'est un des plus chers que j'ai vu. Hors magasin spécialisé qui fait une petite marge de fonctionnement. Quoi. C'est bien que pour une fois, on ait un beau spectre du monde entier quand même. Ça change de juste les gros mainstream un peu occidentaux. Quoi. Et de One to Switch. Et si jamais le bowling de la Wii vous manque, il y a un jeu de bowling dans ce jeu-là. Ok, voilà. Non, mais je sais que ça peut être un argument pour certains. Est-ce qu'il y a quand même les « Oh !» Oh. Ah, mais ça, c'était ça, c'est bon. Je laisserai chacun découvrir. Ok. Est-ce que tu as autre chose à nous recommander? Éventuellement, mais on s'éloigne un petit peu plus du Japon. Un petit peu ou beaucoup? C'est la nuance qu'on a posée à Eric tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'il y a au moins un truc un peu dedans? C'est-à-dire que c'est plus ou moins une adaptation de Battle Royale. Allez, vas-y. Voilà. C'est correct. Dieu. C'est le quatrième livre de la saga Hunger Games. Ok. Mais que quatrième? Lisez pas ça avant. Bah, en fait, le quatrième peut se lire avant ou après. Okay. Ça, c'est une préquelle, mais qui peut se lire très bien avant, puisque ça ne demande pas forcément de grosses connaissances de ce qui se passe après. Ok. Et un peu façon Star Wars, que vous le lisiez avant ou après, vous y trouverez pas la même chose. Parce que c'est mieux que les préquels Star Wars. C'est toujours mieux que les sequels Star Wars. Ah bah là, c'était ce point glissant parce que t'as deux défenseurs. Voilà. C'était la mauvaise réponse. Ouais, mais dedans. Alors, on ne recommande pas du coup le quatrième Hunger Games. Ah mon dieu. La censure. Non, ok, et du coup, ouais, donc c'est. Il s'appelle vraiment tome 4 ou ils les ont renommés Non, c'est. Alors, Succession, c'est non? La balade du. Ah oui, ouais. Du serpent et de l'oiseau chanteur. C'est ça, semble. Ok. J'en vois 15 000 par jour. Mais du coup, ouais, si vous avez aimé la saga de base, je vous le conseille. Après, si vous n'avez vraiment pas aimé, qu'on sait pas forcément, et si vous connaissez pas, ça peut être une bonne porte d'entrée. Ok, bah cool. Et donc c'est sorti il y a longtemps ou pas? Non, je crois il y a un ou deux mois. Ouais, le mois dernier, il me semble. Ok, donc c'est encore les gros formats. Ouais. Parce qu'en fait, ça devait sortir pendant le confinement, un peu avant. Et en fait, malheureusement. Ok. Donc Hunger Games, tome 4. C'est ça. Globalement, si on demande ça, on trouve. Oui. Ok. Ok. Je confirme. Mon cher Yannick. Oui. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? J'ai commencé Hitman Reborn. Katekyoshi Hitman Reborn. Katekyoshi Hitman Reborn. Excuse-moi de cette affaire. Je sens que ça titille. Non, mais on prépare un gros épisode sur ce manga, slash anime. Un peu nostalgie, donc j'ai très hâte. Ça va être très très bien. Et je sens que j'ai titillé un peu ton. En disant juste Hitman Reborn. Non, mais quand j'étais adolescent, j'étais un des connards qui faisait la guerre à ça. Donc ça m'a un peu réveillé mon moi de 16-15 ans, quoi. Déjà, il y avait un autre mot que juste Reborn. Oui, déjà c'est. Oui, alors en plus, oui, c'est juste Reborn, c'est vrai. En France, c'est Mon prof le tueur Reborn. C'est vrai. Comme ça, je nie aucun nom correctement. Et heureusement, celui-ci a été publié chez Square Enix, ça, on le sait. C'était une préparation paiement, mais apparemment, toute personne n'est tombée dedans. Aïe. Qu'est-ce que Katekyoshi Hitman Reborn? Alors, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est en fait la 7e génération. Non. Est-ce que t'as la pression un peu là? Oui, oula. J'ai clairement la pression. Mais en fait, il fait partie d'une génération d'une famille de mafia. Sauf que cette branche-là est allée au Japon. Et en fait, il y a un professeur qui s'appelle Reborn. Qui vient le voir et qui lui dit: tu vas devenir le 10e parrain de la mafia. C'est la combien de génération? De la famille. C'est la 10e. La 10e, ouais. C'est normal. Hein. Et c'est Vongola. Vongola, ouais. Qui veut dire coquillage. Ok. Ah un mot à apprendre en plus. Et ouais, et donc on va suivre moult péripéties. Moi j'ai juste vu l'arc 1 pour le moment, mais c'est déjà très très bien. J'en ai vraiment 13 épisodes. Vraiment. Ça va. Non, mais il n'y a aucun problème. Je commence bientôt l'arc 2. J'ai commencé d'autres choses en même temps, j'ai pas pu. Ouais, j'en pense à la 5, que tu as dit comme la dernière fois par exemple. Oui, exact. Je n'ai pas avancé beaucoup. Et puis en vrai, je crois que c'est tout. Non, alors je vais rebondir du coup sur Reborn, vite fait, parce qu'il y aura un podcast entier dessus. Donc c'est un manga du Shonen Jump, du coup on en a parlé dans le 3e épisode déjà, avec Amo. Maintenant tu avais compris pourquoi j'ai dit à Square. Je savais, j'ai compris. c'est vraiment un Shonen qui part assez classiquement et qui d'un coup devient génialissime. Ça s'est fini il y a déjà bientôt 9 ans de tête. Bientôt 9 ans, oui, ouais. Tu crois. C'est 32 tomes disponibles chez Glénat chez nous. Il y a également un anime de 203 épisodes disponible chez Kaze entièrement, mais plus chez ADN malheureusement. Et vraiment, moi c'est mon manga préféré ever, donc je ne peux que vous conseiller parce que c'est vraiment très très bien. On en parlera longuement pendant environ 4 heures, je pense à la rentrée, parce que du coup on a un épisode prévu cet été, donc ce sera peut-être l'épisode de août, je trouve ça sera cool. Donc à voir. Mais voilà, ce sera très bientôt avant la fin de l'année, il y aura un épisode entièrement sur Reborn. Avec un invité pas du tout de l'univers manga en plus, donc ça va être cool. Donc j'ai très très hâte de le faire, vraiment très hâte. Est-ce que tu as d'autres du coup recommandations ou pas du tout? Oui, parce que là je viens d'y repenser pas longtemps. Et il y a pas longtemps du coup j'ai recommencé Shaman King en fait dans les éditions de luxe. Donc la version, la Star Edition. Ouais, la dernière version qui est disponible. Donc là j'ai lu que le tome 1 en espérant que les tomes 2 sortent un jour. Mais les 3 premiers sont sortis en fait. Hein? Les 3 premiers derniers sont sortis. Ils sont déjà disponibles en ligne. Non, c'est pas possible. Si, ils sont disponibles sur Amazon pour les commander. Certains. J'ai regardé l'autre coup quand on en parlait avec. Ouais. On remercie quand même la présence de cette édition parce qu'elle a permis d'avoir enfin l'adaptation de la fin. Oui, oui. Sorti en France. Et un arc sur les orques au milieu qui a. Parce qu'il y a un gros. Une grosse ellipse où les orques se barrent et il revient en mode full badass tout le monde. Et bah ça, maintenant, on sait pourquoi. C'est quand même pas mal. Bon, mais du coup, mis à part que je dois acheter le tome 2 et 3, mais non, sinon, au niveau du premier tome, il y a des bonnes idées dans la mise en page et tout, même en termes de cas. Alors moi, j'ai peut-être le mini reproche, c'est peut-être je trouve ça un peu surchargé, mais j'ai l'impression que c'est surtout un code qu'il y avait déjà à l'époque, Et les années 99, compliqué. Hein. Je m'étais fait la remarque parce que non, les moment, années 99, ouais, c'est compliqué. toutes. 1999, c'est quand même compliqué. Et je m'étais fait la remarque parce que j'avais commencé Sakura aussi, comme ouais. ça. Enfin, il y a un petit. Ouais, voilà. C'est... Et Sakura, c'est. En fait, je m'attendais pas à ce que ça soit si difficile à lire parce que ça pète, mais partout, c'est. Non, mais Clamp. Ouais. Et encore, Sakura, c'est le plus shonen. Mais alors, lit XXXolic. Compliqué. Alors, c'est pas une recommandation c'est... officielle comme ça, mais ouais, lisez. Non, ouais, c'est pas officiel, lisez XXXolic, c'est le meilleur. Mais XXXolic, c'est le Kingdom Hearts du Clamp, oui. Du Clamp, ouais. C'est le hub. C'est okay. le hub. C'est que, ah, je comprends pas. Bah, lisez une autre série de 40 tomes, ok, mais ça je comprends pas. Bah, lisez une série de 40 tomes, mais je comprends pas. Et du coup, dans les séries de 40 tomes, tu comprends pas des trucs parce que c'est dans Clamp. Enfin, dans XXXolic. Ok. Yeah. Ah ouais. Ok. Ah ouais. Mais voilà, pour mes petites aparties. XXXolic, trop bien. Non mais oui, et du coup pour revenir sur Shaman King, un anime a enfin été revisé parce qu'il y a 5 ans ils avaient annoncé être en production d'un nouvel anime qui est adapté à la version Stars, et là on a la version officielle, ça sort cette année. Donc voilà, à voir. J'espère c'est, juste que c'est pas avril, avril 2021, avril Onil. Non, avril 2021 c'est très tôt, non c'est fin d'année plutôt, ça va être octobre je pense. Ah ok. Moi j'ai vu un 4 aussi. Ah ok, bah 2021. Ouais. Notamment, c'était avant 2021. Enfin, on est sûr que c'est 2021. Ouais, donc, voilà. Ouais. Bah, sûrement avril 2021. Alors ça pouvait être prévu plus tôt, mais avec certains problèmes qui vous ont peut-être pas échappé okay. ces derniers temps. Ouais, très peu de chance. Ça a pu être. Très peu de chance. Déplacé. Et du coup, j'espère juste que c'est pas la Toei qui va s'en occuper parce qu'on connaît pas encore le studio. Mais normalement, c'est pas la Toei parce qu'ils étaient pas dans l'affiche promotionnelle de toutes leurs séries de vrai. Cette année. Mais il y a MLK Dorami. Et moi, je suis content. Ouais, mais bon, à quel prix? À quel prix de la quel Toei, sacrifice Toei, quoi. Oui, Ben. Je suis juste en train de me demander si là, t'as pas fait une digression sur une digression pour pouvoir placer une info. Oui. C'est ma passion, hein, vraiment. Mon Dieu. Bah, c'est à moi, du coup, c'est ça? Oui. Et oui. Et alors, je vais commencer par un manga d'une Jump qu'on n'a pas trop parlé encore depuis le début. Alors, ça s'appelle Black Clover. Tiens. Et donc c'est un manga et un anime sur la magie et tout. Je vais pas trop en parler parce que beaucoup en ont déjà parlé avant nous. Et donc voilà, c'est disponible chez Crunchyroll et chez KD en manga. Et en plus, ça continue, donc allez lire pour voir où là, bah, c'est vraiment très bien. Je confirme. Ensuite, plus sérieusement. Alors, on rigole pas parce que c'est de la merde. On rigole parce qu'on vous conseille à chaque podcast. Si jamais, depuis le temps, vous ne l'avez pas commencé, qu'est-ce que vous attendez? Ouais, vraiment, c'est calme. Parce qu'au début, c'était pas notre faute. Quelqu'un revenait et disait Black Clover. Attends, continue, quoi. Non, plus sérieusement, pendant le confinement, j'ai fait plein de jeux. Notamment, bon, Animal Crossing, j'ai déjà conseillé. Persona 5, on l'a conseillé la dernière fois. Ouais. Du coup, j'ai fait Code Vein de chez Bandai Namco, qui est le Dark Souls pour Weeb, littéralement. Non, mais c'est vraiment ça. Et il prend tous les coups de code, du coup, des Souls-like. Donc, si vous mourrez, vous revivez, vous voulez récupérer votre XP, c'est dur, c'est un peu lourd, il y a une barre d'endurance. Vous prenez le gameplay de Dark Souls, par exemple, vous ajoutez quand même pas mal de compétences qui mettent un jeu beaucoup plus nerveux, etc. Un système de build très différent, où on peut avoir toutes les classes sur soi et en hériter des compétences, etc. Le tout avec une DA de ouf post-apo, vraiment très stylée, mais un car design dégueulasse à coup de gros seins, de trucs vraiment weeb as fuck pour fan service. Tu le vends bien là. Bah, moi, le seul point noir pour moi, c'est vraiment ce character design dégueulasse parce que l'histoire est géniale, le gameplay est ultra addictif, il y a une rejouabilité de ouf, tout ce qui est monstre, design de monstre, DA, etc., trop bien. Il y a ce car design qui est posé au milieu, c'est même car design que God Eater par exemple. Donc c'est tout ce que fait Bandai Namco, c'est pareil, les Tales of sont un peu pareils dans l'idée. Les Tales of, ils ont un peu de respect envers leur perso quand même. Là, pas du tout. Là, vraiment, c'est vraiment abusé, quoi. Donc c'est mon seul reproche au jeu, c'est ce character design. Je pense que les Weeb d'il y a 10 ans ont grandi, j'espère en tout cas. Donc je pense que, surtout Code Vein, il n'y avait aucune justification pour qu'il y ait des meufs à moitié à poil avec des gros seins, quoi. Vraiment, il n'y a aucune justification de ça. Et ça, c'est dommage. Mais outre ça, tout le jeu génial. Déjà que de base, c'est difficile à justifier. À justifier, vraiment. Donc voilà, sinon à part ça, c'est vraiment très bien. Le gameplay est ouf. Si vous aimez les Souls, vous allez vous y retrouver. Si vous avez déjà joué à un Souls, c'est vraiment mon premier Souls. Donc vous pouvez commencer par là. Ça va vous mettre un peu en jambes avant de faire des vrais trucs bien durs de bonhomme, quoi. Mon premier Souls de 8 à 10 ans. Non, mais c'est un peu ça, parce que il est vraiment pas très dur en vrai. Vu qu'il est quand même très permissif par rapport à d'autres. Bah, par rapport à Dark Souls déjà de base. Donc quand on connaît un peu l'univers, j'ai pas trop galéré dessus. Il y a 2-3 boss qui m'ont un peu peiné, mais c'est incomparable par, même au premier boss d'un Dark Souls, quoi. Mais j'en profite du coup pour dire aussi que dans tous les cas, vous pourrez profiter de Demon's Souls quand la PS5 sortira. Oui, moi ça... faut pas oublier qu'un remaster est prévu. Et oui. Et aussi, je me permets une petite... Non, mais pour, pour compléter un peu sur Code Vein, l'opening est fait par Ufotable, qui fait un taf de monstre dans l'animation, qui est probablement l'un des meilleurs studios, pour pas dire le meilleur, mais parce que... Je suis pas d'accord. Voilà, c'est, on va pas être d'accord, et ça se bat un peu entre... avec Trigger, avec d'autres, non, mais, d'autres studios plus indés aussi. Disons que voilà, c'est un top tier. Oh, ils sauteraient un dieu quand même, Ufotable, mais voilà. D'accord. C'est un très bon studio d'animation en tout cas. Voilà, tout à fait. Et qui font, avec, par exemple, God Eater, et God Eater du même du coup studio. Mm. Voilà, Code Vein, n'hésitez pas, c'est, ça se fait en ligne droite, ça se roule en 25 heures. Si vous voulez faire un petit 100%, c'est une quarantaine d'heures. Il y a une bonne commu encore autour, il y a pas mal de Discord si vous voulez jouer en online, si vous voulez jouer en coop online. Et il est pensé pour la coop, parce qu'on a tout le temps un PNJ avec nous qui nous suit. Donc du coup votre pote va remplacer le PNJ, donc vraiment c'est très très cool à faire, n'hésitez pas, je vous conseille sur PS4, Xbox One et PC. Donc voilà, ça va très vite, ça ne coûte plus grand chose, il y a 3 DLC pareil qui sont très souvent en promo, allez-y. Mon autre, donc c'est Code Vein, on rappelle le nom, hein. Mon autre recommandation, alors voilà, Dynamco, Bamco, etc, tout ça, ça. C'est bon. Et enfin, deuxième recommandation, alors là je, c'est vraiment, j'ai été, il fallait que je le racole au thème, il fallait que je le conseille, alors c'est du rap français. Oula. Non, mais, est-ce que tu nous tentes une benne là en fait? Non mais voilà, non mais c'est, vous allez vite comprendre. Oh mon dieu. C'est un rappeur qui s'appelle L'Enfant. C'est un rappeur, un petit rappeur parisien. Pas connu du tout. Et du coup, il a sorti un petit EP de 16 minutes là pendant le confinement, de 6 morceaux, au total 16 minutes. Donc voilà, c'est des petits morceaux. Et en fait, il a des sonorités et des ambiances tirées du Japon. Vous voyez où je reviens. Moi je vois très bien. Moi je vois très bien. En fait, c'est que la thématique n'est pas. Il parle pas de trucs de whip du tout. C'est ça qui est assez beau. Mais par contre, dans les instrus, il est très inspiré de tout ce qui peut être J-pop, même J-rap. Et il s'amuse avec pour faire un truc à sa sauce. Et c'est un album du coup qui est, s'appelle. C'est un EP, excusez-moi, qui s'appelle Confinement, mais qui ne parle pas du confinement déjà. Il parle plus de sa dépression. Il essaie d'en parler, mais pas forcément en mode je le vis mal, mais en mode j'ai appris à vivre avec. Et il parle également de... c'est un mec qui était avant en école de commerce et qui d'un jour a fait un burn-out parce que, comme tout le monde le sait, les écoles de commerce, ça pue la merde. ça, on va pas se mentir. Hein, vraiment. Oui. Et il a fait, bah, en fait, j'ai pas envie de faire ça de ma vie. Et du coup, il a fait du jour au lendemain, bah ok, moi, je veux faire de la musique. Et il a fait de la musique. Et là, en termes de vues YouTube, parce que nous, en tant que lambda, c'est les seuls un peu stats qu'on peut avoir, du coup, parce que... Même sur Spotify, on voit pas grand-chose, etc. Il a environ 2000, 5000 suivant ses clips. Et donc là, il a sorti un bel EP, un beau projet qui est très cohérent dans les 6 morceaux. Il y a un morceau qui s'appelle Confinement, qui est vraiment une expérience auditive plus qu'un son. Et c'est 6 moods un peu différents, mais qui se rapprochent toujours de son thème principal, qui est la dépression, l'acceptation de soi, le regard des autres. Tout en étant quand même un peu rap, de Yankee blanc, même si moi c'est vrai, préfère ça. Qu'on mettrait après le mot rap, parce que tout est du rap, surtout aujourd'hui. Mais voilà, et je vais juste. De toute façon, il y aura un morceau à la fin du podcast. Bientôt, je pourrai en mettre mieux, mais là, pour l'instant, c'est à la fin. Donc, vous pourrez déjà entendre un morceau de L'Enfant. Et il a une punch que j'aime beaucoup, c'est tu vas faire quoi, boomer? On tubérise. C'est fini les pistons, on est les fistons du consumérisme. Donc, si cette punch vous fait mal au cul, et bah check, parce que c'est que clairement vous êtes un gros con. Et si jamais vous n'avez pas compris, c'est que vous êtes justement pas le public visé. Après voilà, réécoutez, c'est comme ça à chaud, c'est normal, après c'est des choses qui sont à décrypter et tout, il y a un englobage évidemment, c'est hors contexte. Contexte pour l'interrogation. Évidemment. Mais voilà, donc n'hésitez pas à jeter une oreille, que vous soyez ou non rap FR, c'est assez accessible. Et si vous n'aimez pas, je peux complètement comprendre. Voilà, vous aurez un morceau à la fin, vous pourrez pas le louper, tout simplement. Ouais, bah j'ai déjà un morceau de, je pense. Bah, façon, je vais mettre Alligato à la fin. Ouais, voilà, bah voilà, j'ai le Alligato dans la tête. Le plus japonisant de tous, donc voilà. Donc n'hésitez pas, ça dure que 7 minutes, ça va pas vous prendre très longtemps. C'est, vous le mettez en allant au chiottes, vous sortez, c'est fini. Quoi. Clairement, Voilà. Après, 16 minutes, c'est très long quand même. Ouais, ouais. C'est bon pour qui. Sous constipation. Mais nous ne sommes pas là pour. Non, parce qu'on va lancer un débat de combien de fois on tête par jour et tout, il n'y a pas de souci. Hein. Bah, allez. Alors, ne jugeons pas. Le Japon. Donc, voilà. Est-ce qu'une dernière suggestion qui serait arrivée d'un coup, genre en flash d'un coup, on est bon? Incroyable. On a fait moins de 45 minutes de suggestions et même moi, je suis choqué. C'est un record. Record, record. On va passer enfin au thème. Non, au jeu. Au jeu. Ah. Du coup, le jeu va pouvoir durer deux fois plus longtemps. Oui. Ça. Tiens, tiens, alors, tiens. On est de retour tous ensemble. Vous m'avez demandé où étaient les jeux des derniers podcasts. C'est compliqué de faire des jeux à distance parce que il y a beaucoup de choses qui se jouent dans les regards, de driving pour éviter qu'il y ait des gros blancs en fait. Non, non. Non, mais vous m'avez abandonné tout à l'heure quand j'ai fait une blague sur Square Enix, mais apparemment, c'était pas au goût de tous. Hein. Et donc, c'est le retour du « Je t'aime, moi non plus ». On a été voir notre très cher non-partenaire Sens Critique. On prend la crème de la crème de leurs commentaires et du QI. Pas forcément à trois chiffres. De leur... si des gens responsables de Sens Critique nous écoutent, continuez comme ça, les gars. Continuez de pas modérer vos commentaires. Et donc là, ce coup-ci, c'est que des jeux vidéo. J'ai été prendre des commentaires plutôt négatifs, très peu objectifs. Et vous allez devoir, par rapport à ces commentaires, enfin ces avis exactement, trouver le jeu vidéo en question. Ça va faire très mal au cœur. Donc, ce coup-ci, je vais vous laisser vraiment un peu chier dans votre merde. On va mariner. Je vais pas vous donner trop d'indices. Au fur et à mesure, vous donnez des indices. Vous pouvez poser des questions. Il n'y a pas de problème. Du coup, à peu près 16 minutes, si j'en crois ce qu'on a dit plus tôt. Ouais, à peu près. Ah oui, ouais, oui, ah oui, oui, oui, oui, effectivement. Ouais. Du coup, en vrai, ce coup-ci, ils sont quand même vachement plus simples que les autres, parce qu'il y a certains, il y a des gros indices dedans, quand même. Genre, le premier, on va aller très vite, c'est un Jill sandwich au goût de merde. Il y a un mot-clé dedans. Quoi. Jill. Jill est un mot-clé, évidemment. Est-ce que c'est Jill Valentine, comme dans Resident Evil? Oui, mais lequel, du coup, de Resident Evil? Vu que j'ai pas écouté le podcast, j'aurais dit le 3, mais... Non plus. Un Jill sandwich au goût de merde. Ah bah alors, c'est le 5. Non, toujours pas. Bon, bah de toute façon, j'ai pas écouté le podcast. C'est Ben Cabon, c'est le 4. Il a vraiment pas aimé, vraiment. Et c'est vraiment que ça. C'est juste dit, un Jill sandwich au goût de merde. Ce qui est bien, c'est qu'on comprend pourquoi il a pas aimé dans son avis, c'est clair. Voilà, c'est... Moi, tout était dit. Si vous voulez savoir plus sur Resident Evil 4, donc, vous pouvez vous référer... Il a déjà mis 5, je pense. Vous pouvez vous référer au dernier podcast en date qui était entièrement sur la licence. Oui, là, on ne perd pas... Ah oui. Alors, il est malin. Un petit peu plus long. Alors, c'est nié. Les personnages explorent les mondes de Disney. Les personnages mythiques de la firme apparaissent fades, ne sont pas exploités, et les interactions avec eux sont minimalistes. Ajouter à cela une difficulté parfois absurde. Si vous voulez dégoûter vos enfants des RPG japonais chronophages et de l'univers Disney, entre parenthèses, fabrique d'aliénés, offrez-leur ce jeu. Est-ce que ce serait le royaume des cœurs? Lequel? Ah putain! Ah merde! Ah, ah merde! Oui. Kingdom Hearts 2? Non. Le premier? Ouais, c'est le premier, ouais. Pour l'aspect chrono. Oh, il est pas si chronophage que non, ça, pour moi, là. Pour moi, aucun Kingdom Hearts n'est vraiment chronophage pour le coup. Après, non, concernant en fait, la difficulté, c'était plus le 1 que le 2. Oui, si, la difficulté. C'est la difficulté qui jouait, ouais. Après, c'est tous les coups. Ah, le 2, il a des, quand même des passages chauds. Si tu fais pas. Alors, il a des passages chauds, mais il est maniable. C'est vrai. La caméra. Je me suis bouffé environ 50 avis négatifs de gameplay du 1 à en trouver un peu rigolo, quand même. Rappelons-nous quand même que la version avec la roulade de Kingdom Hearts 1, c'est pas avant le Final Mix. Oui, on me rappelle. Eric, tu penses que tu as l'oublié. Ouais, ouais. Mais t'as pas la VF. Allez. Ouais, j'ai pas la VF, par contre. Mais les bons sauts aussi. Ah, Donald. Où Sora saute, il atterrit au sol. Non, deux secondes. Non. Deux secondes non, avant de pouvoir redémarrer. Sérieux? Oui, non, c'est un enfer. En fait, non, il saute. Ouais. Avec son comme ça. Enfin, du coup, vous pouvez pas voir. Parce ouais, ouais, ouais. C'est ouais. Pas du tout radiophonique. Grosso modo, il saute en écartant les genoux et les pieds ouais. Vers l'extérieur. Et quand t'as le saut plus, il fait d'abord une roulade dans son temps pour aller plus haut. Et quand il atterrit, il met deux secondes avant de repartir. Mais what the fuck. Il faut le temps qu'il atterrisse. Et grosso modo, il y a l'animation où il se baisse pour prendre le coup, puis il se relève. Et seulement maintenant, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez avancer. Alors celui-là, il est très rapide. Alors, j'ai pris un indice qui est une autre avis négatif sur celui-là pour vraiment, mais il était trop obvious ce deuxième. Du coup, le premier, il est vraiment très très bon jeu, mais j'ai mal de mer. Sea of Thieves? Non. Animal, Assassin's Creed 4? Non plus. Voilà, c'est un jeu avec un bateau de la ouais, c'est ouais, il n'a pas tant que ça en vrai. Donc, on peut très vite trouver. Assassin's Creed Odyssey? Non plus. Est-ce que c'est le jeu de pirate fait par Ubisoft, mais pas Assassin's Creed? Qui n'est pas encore sorti, tu veux dire? Ah oui, bon, bah, on enlève celui-là. Du coup, non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Ah, oui. C'est Ryzen? Non. Non, Ryzen, il y a très bien fait dans le bateau. Oui, c'est vrai. Même dans le 3, il y a quelques pirates pourtant. Oui. Est-ce que c'est un jeu de course de bateau? Non. Ok. Le bateau n'est pas... Alors, c'est une grosse feature du jeu, quand même. Mais c'est pas non plus la feature principale, mais c'est quand même 50% du jeu, facile. Serait... Ah non, c'est du coup c'est Sonic, pas Assassin's Creed 3. Sonic, non. C'est All-Star Racing? Non, c'est vraiment bateau, c'est vraiment bateau. C'est pas véhicule sur l'eau, c'est bateau. Mais... Ah ouais, ouais. C'est vraiment la mer. Wind Waker? C'est Wind Waker, ouais. Oh là là. Et il a quand même dit très bon jeu. Mais il y a la deuxième. Et du coup, la deuxième, l'indice que j'avais, c'était je mets deux parce qu'il y a Zelda dans le titre. Ah oui, bah oui. Ce qui me rappelle fortement la meilleure critique de la troisième génération de Pokémon, trop d'eau. Et trop trompette. Et on rappelle quand même que trop d'eau, c'était quand même Famitsu qui l'a mis. Et ça fait mal au cul. Ah ouais. C'était ah ouais. Dans les points négatifs, too much water. Trop d'eau. Mais pourquoi? Trop d'eau. Parce qu'il y a beaucoup d'eau. On rappelle que Owen, ça se passe sur des archipels, oui. En fait. Et du coup, en fait, c'est qu'à partir de la cinquième arène, après, c'est que de l'eau où tu fais que du surf pour aller devenir en ville. Oh, ça va. Non, mais c'est trop bien. Moi, j'adore ma génération préférée. Hein, donc, moi, ça va très bien. Voilà. La critique. Non, mais voilà. C'est... Des fois, même les professionnels. Oh oui. Bah, oh. C'était Famitsu aussi qui avait fait le Crash Bandicoot. Non, c'est pas Famitsu, c'est un américain pour c'est le Dark Souls. Crash Bandicoot is the new Dark Souls. C'était genre, je crois que c'était Eurogen ou un truc du genre. Ah, peut-être. Ou Eurogamer, mais ouais, c'est la mode, c'est un peu Dark Souls. Et du coup, Dark Souls Remaster, c'est un peu Dark Souls. Dark Souls Remaster, c'est le Dark Souls et le Dark Souls. En fait. Ils l'ont quand même fait sur Sekiro. Hein. Sekiro est vraiment, c'est un peu Dark Souls. Hein. Mais. Un peu, juste un peu. Celui-là est très long, donc vraiment suivez bien. Je vais y aller lentement, on va décortiquer ensemble. Celui-là, j'ai cuté des bouts parce que c'était trop vieux. Oh, mais il y a thèse, antithèse, synthèse. Il y a un peu, ouais. Il y a... donc, en fait, il y a un peu un revirement de situation dedans, mais pour mieux l'enfoncer quand même à la fin, tu vois. Ouh. Alors, les rares fois où l'on peut jouer, entre parenthèses, après avoir passé tous les dialogues intempestifs. Fermez la parenthèse, on se rend compte que la prise en main est bancale, que les ennemis n'ont pas d'IA, que les boss sont aussi charismatiques que des cosplayers Naruto, entre parenthèses, mention spéciale au gros port en roller. On passe son temps à faire des allers-retours sur une plateforme tricolore, où l'on glisse sur des fientes de mouettes. Je ne parlerai pas du scénario qui en soit une prétention sans nom, soit à prendre au sixième degré. Heureusement, la durée de vie de cette daube nous permet de ne pas souffrir trop longtemps. Après avoir terminé le jeu, on réalise tristement que les phases de dialogue étaient les moments les plus intéressants de cette galette putride. Alors si tu l'as, parce que je pense vraiment que tu l'as, je veux que les autres cherchent avant. Ok. Parce que wow. Je l'ai. Alors, à 100%. Yannick peut l'avoir facilement. À 100%. Je Eric, moi. Est-ce que c'est un jeu que je peux potentiellement... Alors tu connais, mais ouais. Je crois que tu l'as pas fait. C'est un jeu vraiment très connu. Toi, tu l'as fait, c'est certain. Ah, moi, je l'ai fait, c'est toi, certain. Il n'y a même pas de débat dessus. Tu l'as fait vraiment. Vraiment, c'est vraiment très connu. C'est une licence. C'est une licence préférée, d'ailleurs. C'est Ratchet & Clank. Non. Non. Il y a vraiment un gros indice dans... Bah, tu parles du mec en roller. Ouais. En roller, c'est un bel indice, quand même. Et Ben l'a eu là-dessus, je l'ai eu. Hein. Et du coup, je vous dirai le mot-clé après que j'ai enlevé parce que vraiment, on l'avait direct, quoi. Peut glisser sur de la fiente de mouette. Ça aide beaucoup aussi. Putain, mais dans quel jeu on peut faire ça? Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec les avis qui ont été dits, ah non. Mais non. D'un point de vue des faits, il y a bien tout ce qui a été montré là-dedans. C'est ce que j'adore en plus. C'est ce que j'adore, on peut dire auteur que j'adore du coup. Ouf. Putain, c'est con parce que la personne sur roller, ça aurait pu faire un boss de Dead Rising, tu vois, mais... C'est un Metal Gear. C'est un Metal Gear, ouais. Putain... Alors, les Metal mouettes... Metal Gear Solid 3 Non. Deux. Oui, deux du coup. Mouettes et gars en roller. Putain, oui. Ah, il y a un gars en roller dans... Ouais. Oh putain, d'accord. Qui s'appelle littéralement Fat Man. Ouais. Oh non. Du coup, oui, c'est bon. Je l'ai eu avec plateforme tricolore, quoi. Oui, aussi. Et en fait, c'est que quand ils disaient les dialogues, ils parlaient... en fait, c'était pas le dialogue, le mot, c'était. Cinématique. Les codecs, les interactions codecs. Ah. Et à la fin, ils disaient finalement, c'est que les codecs qui étaient les plus intéressants. Parce que le plot du 2, c'est vrai que c'est les codecs qui sont tout mindfuck. Sans spoiler. Snake. Bah, du coup. Les codecs, c'est genre les enregistrements ou ce que t'as dans ton oreillette. Ah non, ce qu'on t'appelle, ok, ok. Ok. Donc, il n'a pas trop le même gène. Alors, j'avoue que j'ai pris le 2, c'était le plus facile à taper dessus parce que très peu de gens ont aimé. Alors que pourtant, il est très bon. Ce que j'adore. Alors, subjectivement, c'est le 3, enfin, c'est même le 4 préféré. Mais parce qu'il y a les fanservice qui jouent beaucoup, on va sentir. Et le 3, très peu. Mais objectivement, pour moi, le 2, c'est le plus maîtrisé. Alors, spoiler, attention. Mais dans le 2, Kojima a quand même imaginé l'internet tel qu'il est actuellement. Ah oui, non. Des années avant. Non, mais le Lalilulélo. C'est littéralement ce qui s'est passé, il n'y a pas de problème. Mais en fait, ça, en fait, ce que j'aime avec le 2, et la, après, il y aura un truc spécial Metal Gear Solid, ça c'est prévu, mais pour digression, parce qu'on adore ça, ce que j'aime dans Metal Gear Solid 2, c'est qu'il y avait Metal Gear Solid 1, même ceux avant, mais voilà, il y a eu le 1 qui a été vraiment, qui est culte, qui a été une référence, et tout le monde a demandé à ce que le 2 soit le 1, mais juste en plus contrôlable, sur PS2, tout le monde voulait ça. Qu'est-ce qu'il a fait Kojima, il a pris tout ce que les gens ne voulaient pas et il en a fait un jeu. Il a fait un bon jeu. Incroyable. En fait, après, oui, on peut dire qu'il a fait tout. Il a fait surtout la vision qu'il voulait faire, quoi. Mm. Je suis plus. Après, je pense qu'il a été beaucoup en contre. C'est Kojima, il est venu être un hipster, je suis d'accord. Oui. Mais du coup, je trouve ça. Je préfère voir ça que juste donner à ce que les gens veulent. Mm. Après, voilà. Il a aussi un côté assez mégalo aussi, Kojima. À l'époque, il ne l'avait pas encore. Il ne l'avait pas encore, mais au maintenant. Au 2, au 3, oui. Je viens au 3. Là, on commence à. Et alors, le 4. On l'arrête plus, et alors Death Stranding, on l'arrête encore moins. Parce que là, maintenant, c'est son studio. Je pense que même MGS5, il y a quand même des gros faits. On se rappelle que dans le prologue, il y a une mission où tu dois aller le sauver lui. Oui, oui. Il est dans le jeu. Mais non. Si, Ground Zeroes, tu dois aller le sauver. Enfin, tu peux. Ah, trop bien, ouais. Putain. Bon, c'est rigolo. Mais après, MGS5, c'est un cas. Alors, c'est un cas particulier. On va arrêter de trouver. C'est un cas d'école à part parce qu'il y a plein de problèmes dessus. Si vous voulez en savoir plus, vous devrez écouter le podcast spécial MGS. Ouais. Alors, ou lire les Third aussi. Oui, et dans tous les cas, n'hésitez pas à aller lire les livres Third. Même sur tous les jeux vidéo que vous aimez, n'hésitez pas à checker les Third. Ça, on peut pas le nier. C'est assez cool. Ouais. Plus court. Les derniers sont plus courts. Les. Je viens de relire les deux derniers. Je confirme, j'ai pas lu, mais je viens de relire les deux derniers, ils sont très drôles. alors, en fait, celui-là, ce qui est drôle, c'est vraiment comment il est écrit. Parce qu'il est assez simple. Un perso féminin dans un jeu vidéo, pour l'interrogation, lourd. Combattant des mécadinos, énervé, mais écrit NRV. Et ça m'a fait beaucoup rire. Un jeu qui pue le Far Cry ou une autre connerie, mais de Ubisoft, nique ta mère. Avec ça, vous devriez avoir avec un personnage féminin. Bah, franchement, il y a quand même beaucoup d'indices. Ah, mais attends. Ah, mais. Pour, rien, pas sentir. Pour qui? Je crois que je l'ai vu dans un joueur du grenier, jeu. Non, tu sais, c'est ça, alors, tu vas vraiment. Vous n'avez pas les images parce que Arthur vient juste de faire une tête dépitée. Ça, c'est un jeu que j'ai ciblé pour Eric. Mais attends, donc redis. Un perso féminin dans un jeu vidéo. Oui. Lourd. Combattant des mécadinos énervés. Oh putain, un d'accord. Horizon, c'est bon, okay. C'est bon, c'est Horizon. Oh non, mais jouez pas ce jeu. J'ai passé 82 heures de ma vie. C'est un le gars. Non, parce que lui, il trouvait ça cool qu'il y ait un perso féminin. Ce qu'il a pas aimé, c'est que ça pue le Far Cry et autres conneries Ubisoft. Et ce qui est horrible, c'est que je suis d'accord avec lui. Bah pareil, et puis en plus, ses déplacements sont vraiment pas ouf, quoi. C'est frustrant. Ah, mais moi, c'est frustrant. Le lourd. Non, lourd, c'est que c'est bien. J'ai pas compris le lourd dans le sens bien, je l'ai compris dans le sens c'est chiant. Non, c'est lourd parce que c'est génial, c'est énervé parce que c'est trop bien. Énervé. Mais un peu beaucoup trop d'Ubisoftage. Non, bah moi j'aime pas Horizon. Bah, du coup ça sauve pas. Toujours pas de mon côté donc. c'est pas grave. Désolé. Mais si, je l'ai acheté en plus. Oui, mais c'est pas une raison pour finir, c'est chiant. Hein. De Horizon. Ah, d'ailleurs, j'ai acheté la complète édition, faut que je vois si mon code a pas périmé. Ah oui. Ah merde. C'est pas mal. Je pense que non. Merde. Mais voilà, c'est Horizon. Monsieur, ouais, non, Destiny, on l'avait acheté. Hein. On digresse un peu. On digresse. Grèce. Alors, il y aura ceux deux. Il l'a dit. Ils vont. Ils... Et alors, ils sont très très larges. Vraiment très larges. En fait, celui-là. Alors, là, celui-là que l'on va faire, il est un peu recentré. Le dernier, il va rien dire. Oh. Ok. Alors, c'est je bof pour Weibo. Voilà, ça cible pas mal, quoi. Voilà, c'est la démarre du mot avec ça. What the fuck? Je bof pour Weibo. Voilà, c'est... Pour vous, qu'est-ce qu'un jeu Weibo? Enfin, un jeu bof pour Weibo. Qu'est-ce qui vous vient en tête? Est-ce que c'est une adaptation de Sword Art... Desao en jeu vidéo? C'est pas une adaptation. Merci. C'est un jeu original. Ok, ok. Weibo, quel thème vous pouvez avoir pour déjà Weibo, déjà comme type de jeu? Un jeu avec des persos... des persos kawaii. C'est pas Weibo. Ah, Weibo. Weibo. Parle mieux, s'il te plaît. Bon. Ceci était un message à l'auteur de la critique. C'est ça. Je boffe pour Weibo. Ça va être Code Vein? Non. On est dans ce... Pas dans... On est dans ce type de car design, en tout cas. On est dans... Enfin, non, on est dans un meilleur car. Alors, respectons le jeu. Mais voilà, c'est la genre de cible, tu vois. Tales of Zillia. C'est un JRPG, mais c'est pas un Tales of. Mais c'est un JRPG. Je bosse pour Blake Chronicle. Non, c'est un meilleur jeu. C'est plus récent que Blake Chronicle. Je parle pas de remaster. Parce que là, c'est un jeu auquel tu as joué. Fantasy? Non, c'est un jeu auquel Eric a joué. C'est un jeu auquel j'ai joué. Mais non. Alors déjà, un jeu qu'Eric a joué. Alors, il y a pas joué beaucoup. Vraiment, il y a pas joué beaucoup. J'y ai pas joué beaucoup et c'est un jeu bof pour Weibo. Alors pour lui, d'après l'auteur. Je t'ai rappelé. Hein. Ouais, non mais. Nous tenons à rappeler que nous nous désolidarisons totalement des critiques énoncées par contre, elles sont toutes validées par son critique. On t'a rappelé, hein. Putain. Kingdom Hearts 3? Non, c'est un jeu que Eric n'a pas fini. C'est un jeu que tu n'as pas fini. Donc ça résume. Ça... Persona 5? Oui. Ouais, je me disais aussi. Ça a beaucoup de jeux quand même. C'est Persona 5. C'est un jeu d'or pour Weibo. Voilà. C'est pour ça que je trouvais pas. Il avait pas raison, le mec. On est du même niveau que. Oui, c'est des adolescents qui sont contre la société. Alors, tu rigoles parce que les 50 premiers avis c'était. Oui, c'est ça, je tiens tes bouts de 6 heures. Ouais, donc t'as pas fini du tout, quoi. Alors, non, parce que c'est des adolescents qui sont contre la société. Il y a un peu plus d'avis que je bof pour Weibo. Ouais, c'est déjà. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mon focus, c'est vraiment. Vrai. C'est-à-dire qu'il y a au moins une critique de ce que t'as pas aimé dans le message. Alors que je bof pour Weibo, c'est. Bah, j'ai vu le car design et puis voilà, quoi. Ouais. C'est comme, on rappelle la fausse critique de Livet Tom. J'aime pas les garçons, j'aime pas le foot. Alors, il y a des garçons qui jouent au foot, pas pour moi. Aïe. Et alors, le dernier, vraiment, il est. Il a l'air d'être majestueux. Il est offensant pour les certaines communautés. Oh. Oula. C'est gratos. Et vous allez galérer à nous. C'est un jeu pour les autistes, comme toute la voiture. Alors, quoi? Il y a un certain rapport, mais il est vraiment alambiqué. Ouais. Redis. C'est un jeu pour les autistes comme tute la voiture. Je pense que tute c'est le tute. Voilà. Tute. Ouais. Faut plus focuser sur pas les autistes évidemment. Non. Mais plus sur la deuxième partie de la critique. Ça va être un burn-out, paradoxe. C'est pas du tout un jeu de bagnole. Merde. C'est ça, voilà. Mais voilà, t'es tombé dans le piège. Trap card. Voiture. La tute. Ça roule. Ça fait vroom. Ça fait du bruit, oui. Ça pollue. Non, plus dans le déplacement. Ça fait des drifts. C'est Need for Speed. C'est pas un jeu de bagnole. Plus dans la vitesse. Partez sur la vitesse. C'est Sonic? Putain, c'est Sonic. Mais lequel? Sonic R. Ah bah non, C'est pas un jeu de bagnole. C'est un jeu de course, mais c'est pas un jeu de bagnole. Hedgehog. The Hedgehog. Le numéro 1. Oui. C'est le numéro 1. C'est Sonic 1. Le numéro uno. C'est un jeu incroyable. Comme toute la voiture. Incroyable. Non, mais... Et pour dire un peu la mise en page, c'est que le titre c'est un jeu pour les autistes et le contenu c'était comme toute la voiture. Voilà. C'est. Ah ouais, c'est. Putain. Non, mais... Que dire de plus? Les gens sont inspirés. J'ai rien à ajouter. Il a tout dit. Hein. C'est concis. Ah voilà, c'est simple, c'est concis. Il a dit sa pensée. C'est constructif. Pas du tout. Spoiler, non. On va voir pour ça thème. Eh oui. Incroyable. Alors, on rappelle le thème. Jeux vidéo adaptés en manga, anime, série animée, tout ça. Qu'on pourrait aussi dire manga, animé, film d'animation adapté de jeux vidéo. Non. Ah si. Si, oui. Avant toute chose, je vais vous poser une petite question. C'est pas un jeu. Attention. C'est un jeu caché. Est-ce que vous savez quel est le premier jeu vidéo adapté en manga slash anime slash film animé? Est-ce que c'est Mario? C'est Mario. Ok. Donc c'est un film du coup, et il s'appelle Super Mario Bros. Peach Hime Kyushutsu Dai Sakuzen. Donc tout simplement, c'est il faut aller sauver la princesse Peach. Ah ok. En gros, okay. C'est ça. Okay. Et c'est un film d'animation du coup. C'est celui où il fait non. Non, non, ça c'est ah, Hotel bah non, Mario. Ça c'est américain déjà. Ah ok, je ne savais pas. C'est Hotel Mario en plus. un des tristement célèbres jeux CDI. Et c'est, ça ressemble beaucoup du coup au. Donc c'est sorti en 86 et ça ressemble du coup plus au comic manga Mario sorti peu après finalement. Les gags manga. Ah oui, ok. Et après ça a été suivi très rapidement par des Ys et des Great Dragon Quest, évidemment. Voilà, les débuts sont quand même. On voit que Mario a quand même créé plein de choses, même dans. C'était le premier dans beaucoup de choses, quoi. C'était fou. C'est comme Mario. C'est... Finalement, les films d'animation, ça fait comme Mario. Finalement. Alors, pour une fois, ce podcast est à peu près pareil pour le thème. Pour une fois. Pour une fois, oh. J'ai demandé à chacun d'entre nous de venir avec un manga, une série animée, etc., qui trouvait bien adapté, et un qui trouvait mal adapté, et il va nous dire, finalement, pourquoi il trouve ça, et le but, c'est qu'au final de nos quatre, et du coup au total 8 séries, on comprenne un petit peu ce que est pour nous une bonne adaptation et une mauvaise adaptation. Ce qui m'être ravi de citer un petit peu pour vous-même, si vous voulez en regarder. Parce qu'il y a eu énormément d'adaptations de mangas vidéo, on ne peut pas passer sur tout. Donc je voulais que chacun, on parle déjà de sur quelque chose qu'on connaît, et surtout, on avait un exemple de pourquoi, bah ça, on trouve ça bien animé, du coup, qu'en général on a aimé, et pourquoi on trouve ça mal adapté, et que du coup, bah, en général, on n'a pas aimé, forcément. Évidemment, je vais entrecouper suivant ce que mes comparses disent parce que je les connais, donc je vais pareil les driver des fois sur certaines séries, etc. Évidemment, de belles cartes au piège. Ah bah là. Et on va commencer par notre très cher Ben. Là. Et j'aimerais que tu commences, on va commencer par du positif pour le moment, par celle que tu trouves bien adaptée. Quelle série, quel jeu vidéo tu as trouvé bien adapté et du coup, quelle adaptation s'il y en a eu plusieurs, surtout. Et là, du coup, j'ai l'hésitation. Ah, il y a ça y est. Deux ah. trucs dont je voudrais parler. Si t'hésites, on peut parler à quelqu'un d'autre. Ouais, en fait, il y a deux trucs dont j'aimerais parler. Je sais pas prioriser. C'est le même vidéo. C'est pas dans le même jeu. Mais est-ce que c'est la même licence? Non, c'est pas la même licence. C'est deux jeux très différents. Pour le coup, c'est vraiment très différent. Ah oui, d'accord. Bah, commence déjà pour un. Puis on repassera. Si au pire, on repassera sur un autre. Ok. Alors, sur de. L'adaptation en animé. Ace Attorney. Ah, en animé ou en manga? Attention, c'est pas la même chose. Justement, en animé. Ok. L'adaptation en animé est beaucoup plus fidèle à l'histoire des jeux que l'adaptation en manga. Et bien, on y reviendra parce que je voulais parler du manga. Ah, bah, voilà. Super. Alors, bah, du est-ce coup, que tu peux nous parler de ce qu'est Ace Attorney déjà? Alors, Ace Attorney, rapidement, parce que ça va être compliqué. C'est un jeu vidéo qui se rapproche des visual novels sans en être totalement, qui se rapproche du point and click sans en être totalement, un petit mélange des deux. C'est ça. Où on joue un avocat de la défense, qui doit du coup défendre des personnes souvent accusées de meurtre, dans un esprit pas 100% réaliste. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. C'est beau, hein. Pas du tout à 100% réaliste. Disons qu'il y a des twists quand même qui ne sont impossible. Il y a quelques petits trucs surnaturels, mais c'est rarement à la base de l'affaire en elle-même. Oui. Donc c'est sorti sur à la base sur GBA. Sorti à la base sur GBA au Japon. C'est arrivé chez nous sur DS. Popularisé sur DS. Voilà. Il y a eu des versions 3DS sur les deux derniers jeux. Voilà. Et il y a la trilogie, donc les trois premiers jeux, qui est ressorti sur Switch, sur PC. Enfin. Donc voilà, vous pouvez commencer par là si vous voulez vous lancer dans les sens ou par l'anime. Et avec. J'espère qu'ils vont faire la deuxième trilogie aussi. Ouais. Mais bon. Tu veux dire. Avec, j'espère. Hein. Avec un retour de la trad FR aussi. Et un rework de la trad FR. Et un rework. Particulièrement un super rework de la trad FR. Donc oui, l'anime. Parle-nous un peu de cet anime. Alors, du coup, l'anime, pourquoi je le trouve bien adapté? Oui, voilà, c'est ça. Pourquoi tu trouves que l'anime de Ace Attorney ou Gyakuten Saiban en japonais. Ah, ouais, oh là là. Ah, oh là là. Ah, oh, je suis sûr déjà. Bon. Alors déjà du coup avec Reborn. Hein. Déjà quelque chose qui l'a beaucoup aidé, c'est le chara-design des persos qui déjà dans le jeu est très propre. Oui. Et très reconnaissable. C'est-à-dire qu'on te montre un personnage de la saga Ace Attorney, tu sais qu'il vient de la saga Ace Attorney. Oui. De façon assez évidente. C'est pas de souci, on reconnaît directement. Voilà. Donc, pour le coup, l'adaptation en animé n'a pas eu à beaucoup retravailler le chara-design. Le côté visual novel du jeu a permis une adaptation quasi directe. C'est quasi dialogue ou dialogue. Hein. Quasi. Voilà. Et ils ont réussi à garder le côté enquête intéressante, mais en enlevant le côté point and click de « je sais pas où est-ce que je dois aller, je clique sur tous les pixels de l'image ». Le classique gameplay. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Moi, je savais déjà où il fallait cliquer. Bah, évidemment, tu peux cliquer sur le pixel noir derrière. Voilà. Du coup, on retrouve vraiment toutes les histoires qu'on a apprécié voir dans les jeux. Et quelque part pour... La première trilogie de jeu. Oui. C'est d'ailleurs, j'ai l'impression que Capcom a oublié qu'il y avait des jeux après. Capcom déteste le 4, alors que c'est le meilleur de la série. Voilà. C'est triste. Et c'était aussi le dernier traduit. Et c'était aussi le dernier traduit. Et c'est celui qui avait le plus beau sprite. Oui. Parce qu'il était pensé pour la DS. Et ses sprites sont vraiment... Enfin, oui. C'est abusé. Enfin, je digresse, mais en termes d'animation... Le solo de guitare de Gavin. Pardon. Oui. Oui. Pardon. Il y a combien de sprites pour ce solo de bordel de cul, quoi. Ah bah non, je verrai quand je ferai les jeux. Mais... C'est-à-dire que dans le 4, il y a de l'animation, mais sans être vraiment animé, c'est vraiment du sprite. Sprite par sprite. Ah ouais, ouais. Fou. Ah ouais. C'est à partir du 5, ils ont commencé à avoir de la vraie animation, des cinématiques, etc. Ouais. Et par contre, c'est des cinématiques avec un style un peu différent des premiers. Ouais, mais est-ce que l'identité se perd au moment de ce tronc? Non. Ok. Mais si on veut de l'animation proche de l'animé pour le coup, mais dans les jeux, le crossover avec Professeur Layton. Bon, on en parle. Le crossover avec Professeur Layton est le meilleur de la licence. On est d'accord. Et la meilleure pendant très peu de la licence. Oui. Et l'un des meilleurs de notre DS. Si ce n'est le meilleur de notre DS. Il y a des gens qui considèrent que le troisième et Saturnet est légèrement au-dessus. Alors, ça se joue un peu. Après, c'est vrai que j'ai une préférence pour le 4 en plus des Saturnies, mais... D'un point de vue histoire, le 3ème et Saturnies. D'un point de vue gameplay, le crossover. Dites-vous que les Saturnies vs Professeur Layton mélange du coup toutes les énigmes de Professeur Layton, tout le côté enquête des deux, finalement les enquêtes des deux c'est la même chose, et le côté en plus tribunal. Donc il y a trois phases de gameplay qui s'imbriquent les unes dans les autres, tout en étant une histoire qui est cohérente aux deux univers, d'autant même le chara-design est différent. Tout en étant un jeu à 40 putains d'heures de jeu pour un visual novel, bordel de cul. Bordel de cul. Ah oui, quand même. Et il y a des plot twists. Moi, j'ai fait un mode. Pardon ? Vraiment ? Pardon ? Je crois voir de quel moment tu parles. Je pense que tous ceux qui ont joué voient de quel moment tu parles. Si vous avez une 3DS, achetez ce jeu. Il est fou. C'est, je pense, le meilleur jeu de 3DS. Oui, je pense. On te regarde, Eric. Ah ouais, non mais oui. Faut le faire. Vraiment, faut le faire. Bon bah. Et donc voilà, si vous avez jamais fait ne serait-ce que la route, pas grave. Vous y allez. Voilà, on reprend sur l'anime. Petite parenthèse. Et du coup, voilà, pour revenir sur l'anime, c'est donc toi, pour une bonne adaptation, c'est quelque chose qui est fidèle, dans lequel on retrouve. Alors, je dis ça parce que c'est exactement ce que tu dis pour le moment, tu vois. Je sais que tu vas dire non, il n'y avait que ça. Mais joli piège, très joli piège. Est-ce que l'autre que tu voulais parler, du coup, c'était un format différent d'adaptation? Oui, c'est du manga. Je parlais plus dans la façon de. Et du coup, c'est un peu moins fidèle, bah, c'est un peu vas-y, plus. Vas-y, envoie du coup. Donc, ça va être globalement toute la saga Legend of Zelda. Toutes. Non, mais j'ai pas de question. Toute la saga manga. Ok. Pas la série animée. Oui, non, ça parle, ça compte pas. Voilà, c'est pas on en parle pas. Mais toute la saga de manga. Ok. Ouais. C'est tombé, je voulais driver dessus à bout d'un moment. Voilà. Ah bah voilà. Voilà. Ok. Donc, est-ce que tu peux déjà. Bon, on va pas expliquer ce que Zelda, je pense qu'on va pas trop. Est-ce que tu peux expliquer comment sont un peu sortis les mangas Zelda par contre? Enfin, sortis. Comment fonctionne la série de manga? Parce que c'est pas un tome 1 à 12 où ça reprend tout entre guillemets. Alors, globalement, chaque jeu fait son one shot ou ces deux morceaux, sauf Twilight Princess qui va arriver le tome 7 là, le tome 7 arrive et techniquement Ocarina of Time avait 4 tomes qui sont juste réduits en un seul. Ocarina of Time je l'ai en 2 tomes il me semble. Suivant les séries c'est plus ou moins de tomes, suivant les jeux ça va être plus ou moins de tomes, mais chaque jeu est vraiment à part, enfin se lit à part des autres. Oui. Il n'y a pas de relation entre, même pour les jeux qui sont pourtant des suites directes. Alors Majora. Majora's Mask peut très bien se lire sans avoir lu Ocarina of Time. Les Spirit Tracks et les Phantom Hourglass. Phantom Hourglass se lit sans avoir lu Wind Waker. Enfin voilà, chaque jeu se lit séparément. Enfin peut se lire séparément. Après on peut tout lire, mais il n'y a pas de lien entre. Voilà. Et au niveau de la fidélité d'adaptation. Là, on est sur des choses où on adapte plus le sentiment général que vraiment fidèlement. Parce que Zelda, contrairement à ce qu'on entendait tout à l'heure sur Metal Gear Solid, qui est vraiment sur le gameplay. Qui est, Metal Gear Solid, c'est plutôt purement sur le scénario, etc. Zelda, ça va plus être sur le gameplay. Le scénario est un peu en retrait. Et puis Zelda, c'est beaucoup une narration via son univers. Plus que par alors oui en fait Hyrule pendant 50 ans machin. Non, on pose les bases d'un univers et après l'univers parle de lui-même, je trouve. Et du coup dans le manga on a des petites histoires qui sont pas forcément approuvées dans le canon Nintendo mais qui expliquent certains trucs du passé, etc. Par exemple dans le manga Ocarina of Time on a tout un truc sur Volcania enfant, dragon que Link avait récupéré, etc. Et du coup, on revoit le combat Link contre Volcania, mais d'une autre façon. Ok. Et du coup, il y a tout l'investissement émotionnel qu'on peut avoir dans le jeu, parce que c'est nous qui faisons vivre le truc à Link, qu'on n'a pas dans le manga où on fait que lire. Mais on le retrouve avec justement le côté émotion du personnage par rapport à son environnement. Mais est-ce que Link parle ? Dans les mangas, oui. Et oui. Oui. Non, mais c'est moi, je trouve ça bien. D'où je vais rebondir là, c'est bien. Moi, je trouve ça cool, ces mangas Zelda, parce que justement, ça donne un peu, justement, une autre vision du jeu, en fait. C'est ça, c'est que on a le point A, point B du jeu vidéo, il n'y a pas de souci. Et je trouve ça cool qu'ils aient un peu englobé ça dans un lore cohérent, mais un peu différent quand même. Et ça permet que même si t'as fait le jeu, tu découvres un différent jeu, ça c'est cool. À la différence du coup de Ace Attorney, où moi quand, du coup quand je l'ai regardé, j'ai aimé parce que je suis grand fan, mais j'ai pas eu d'apport par rapport au jeu de base. Ace Attorney c'est pour revivre, c'est alors ça. Que Zelda c'est pour redécouvrir. Voilà, ça je suis d'accord et je trouve que c'est deux façons différentes d'adapter déjà, tu vois. Il n'y en a pas une meilleure que les autres, mais je trouve que c'est deux façons très différentes d'adapter. Et je trouve ça cool qu'il y en ait, que ça existe ces deux prismes là en fait. Et pour revenir sur Zelda, tout bien pong, c'est fou. C'est quel ton préféré de Zelda en manga du coup ? Ça va peut-être jouer par rapport à ton Zelda préféré, je pense, on va pas se mentir. Mais est-ce qu'il y a un manga que tu trouves pas forcément mieux adapté, mais quoi, toi qui t'as peut-être plus parlé dedans ? C'est pas facile hein. Question piège. Sachant qu'en plus tous les mangas n'ont pas le même auteur. Il y en a certains qui se retrouvent. Mais c'est pas le même auteur tout le long. Alors, ce qui est problématique sur les auteurs de Zelda, c'est que globalement, on a un nom sur les mangas. Sauf que, un peu comme Clamp, c'est pas un nom d'une personne, c'est un nom d'un collectif. C'est ça. Et donc, c'est pas toujours les mêmes personnes dans le collectif. Voilà. Ça porte à confusion. Compliqué. Voilà. Et du coup, parmi ceux que j'aime beaucoup, on va retrouver Majora's Mask. Ouais. Je comprends. Et pour un truc vraiment tout bête, et ça va être le petit chapitre qui se trouve tout à la fin, ouais, sur le combat entre le dieu démon et la grosse créature dans laquelle sera sculpté le masque. Ouais. Voilà, c'est le truc qui étend l'univers et ce qui permet de, comme tu disais, redécouvrir, qui n'est pas du tout présent dans le jeu. Comme je disais tout à l'heure, c'est des trucs qui sont pas forcément approuvés dans le canon Nintendo. Mais c'est un petit truc en plus qui rend le tout cohérent, qui permet de bien expliquer la rivalité entre le dieu démon et Majora, tel qu'on le voit dans le dernier combat du jeu. Ouais. Voilà, ça permet d'étendre sur des bases connues. Et ça, c'est un truc totalement à part et qui m'a vraiment plu dans, dans ce tome-là. Moi, pareil, j'aurais dit Borgeois parce que si, je trouve que mon gars, c'est... Pareil, ce chapitre, ça donne toute sa consistance et c'est vraiment agréable. Et il y en a pas mal, pareil, dans Photo Morglace, il y a pas mal de petits ajouts par-ci par-là, surtout parce que c'est quand même un grand univers. Et vu que Photo Morglace n'a pas non plus. Bon, c'est surtout Spirit Tracks aussi, ils n'ont pas des scénarios aussi denses. Et bah, du coup, ils se permettent de mettre pas mal de petits jeux en plus, et ça permet de faire un truc vraiment de cohérent. Avant de lire The Windwalker à la fin de Spirit Tracks, on pourrait croire que c'est un très bon manga et c'est hyper agréable à lire du coup. C'est plus agréable que le jeu. Ah, et le fait d'avoir chaque. Oui, je suis d'accord. Et le fait d'avoir chaque tome qui est vraiment indépendant des autres permet d'avoir différents genres, entre guillemets. Dans les, au sein de la saga, oui. Il y a des tomes qui sont plus sur l'aventure, d'autres qui vont être plus sur l'humour, d'autres qui vont être plus basés sur les relations entre personnages, etc. Ouais. Donc c'est vraiment ça. Chaque tome a quelque chose à apporter. Et ça, c'est vraiment agréable. Et c'est tout dispo chez Soleil. Et la tête Soleil, c'est racheté par Tonkam, si je ne dis pas de bêtises. Donc, sachant que du coup, il y a 4 Perfect Editions. Maintenant, il y a les Perfect Editions. Il n'y aurait pas de points. Ouais, de points boulot. Il y a 4 Perfect Editions. Et pour l'instant, il y a. Perfect Edition, grand format, couverture rigide. Et maintenant, il y a toi. Jolies, en plus, elles sont magnifiques. Ouais, j'ai dit à la maison, elles sont trop bien aussi. Et toi, Princess, qui est bientôt sur tome 7 en France, en tome classique pour le moment. Tu m'as donné très envie de les acheter. Mais d'ailleurs, je veux juste rebondir sur Phoenix Wright. Ace Attorney. Ace Attorney. Enfin, Daigaku Tensei Ban. On ne parlera pas de Daigaku Tensei Ban. Mais c'est marrant que vous n'ayez pas parlé du film. Alors, on peut parler du film. Alors là, je suis chaud de ouf. Alors, il y a eu un film live. Oui, qui est sorti. Ah, carrément. 2008. Ouais, juste après 3 d'ailleurs. Juste après 3. Qui l'a vu ? Moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu. J'en ai vu une partie, je ne l'ai pas vu en entier. Ok. Je trouve le film, attention, excellent. Ouais, moi, je le trouve hyper drôle. C'est que, il est très... en fait, ils ont beaucoup basé sur l'humour. Ils ont super bien adapté l'humour de la saga. Et je trouve que, enfin, c'est à réussir à adapter, même en vrai personnage, les personnages du jeu. Il y avait des trucs qu'on pensait inadaptables en vrai, et ils ont réussi. Quoi. Alors, pour la précision, c'est que du coup, en fait, dans le film live, donc l'animation, en fait, ça vous permet quand même d'être très proche du jeu vidéo. Oui, oui. Sauf qu'en fait, il faut savoir qu'au Japon, quand ils adaptent un truc, que ce soit manga, jeu vidéo, il faut s'attendre à du cosplay de luxe, hein, mais vraiment. Ouais. Et bah là, on y est, quoi. Et là, on voit très bien que les acteurs ont des perruques, qu'ils ont, c'est pas leurs vrais cheveux, des fois. Alors, si peut-être Phoenix, c'est des vrais cheveux. Je pense que. Ils c'est ça le bon sac est dur. Ils ont vraiment. Le juge aussi. Le juge aussi. Et je pense que l'acteur de Phoenix a encore du jeu dans les cheveux. Je pense aussi, vraiment. C'est plus jamais parti, quoi. Mais ce qui est très drôle, c'est que, en fait, dans les jeux vidéo, il y a quand même l'aspect assez. Enfin, pas ancien tribunal. Je sais pas trop. En fait, il y a quand même le truc. On garde un tribunal assez classique. Et en fait, dans le film, ils vont aller chercher beaucoup plus loin. En fait, il y a un côté moderne. On sait pas trop comment ça marche. Ils disent, voilà, il y a des hologrammes pour montrer les preuves. Bah, en fait, c'est logique parce que on faut rappeler que dans le premier jeu, ils disent précisément que c'est un futur proche quand même. C'est ça. C'est le futur proche de la législation et tout. Et que techniquement, oui, dans le jeu, on balance. Toi, ça t'affiche à l'écran. On sait pas comment ça, eux, ils les voient. C'est je trouve ça. Que c'est, du coup, et c'est ultra intelligent. C'est bien intelligent de leur dire, bah, en fait, c'est des grands écrans qui bougent les hologrammes. Mm-hmm. Et bah, c'est pas déconnant. Enfin, du coup, c'est vrai qu'il est ultra dark, le tribunal dans le film, c'est un peu glauque. Mais cette façon de faire ne trahit pas du tout. Tout à fait. Non. Et bien sûr. Et du coup, c'est une nouvelle affaire qui n'est pas dans le jeu. C'est mais, cool. Mais par contre, alors, ils font une nouvelle affaire, mais très vite. Ils reviennent sur le point DL6. Oui, non, oui. C'est très vite, ça fait hop. Puis on met Hunter dans la balance, évidemment. Et il y a quand même la meilleure scène. Incontournable. Où, dans Estorny, il y a la mascotte de la police. Oh, donc le lutin bleu et tout ça. Et il y a le juge qui va rendre son verdict. Et le lutin bleu, il arrive. En gros, on voit le juge en plan, c'est le juge qui va avoir. D'un coup, on entend que le marteau tape pas. Plan sur le marteau, on voit une patte bleue sous le marteau. Plan sur le visage neutre et mort de la mascotte qui regarde, qui est le juge. Plan sur le juge, genre, da fuck. Et plan sur la mascotte qui fait, avec son doigt, bah non. Et là, t'as Phoenix qui fait, c'est bon, j'ai trouvé. Et là, il y a une preuve. Et du coup, c'est bon, il gagne. Trop bien. Beaucoup incroyable. Trop bien. Et ça, c'est vraiment très proche de ce qui se passe dans le jeu. C'est vraiment très proche. Et peut-être un petit point aussi sur au niveau de la mise en scène, qui a des trucs ultra stylés. Bah, justement, quand ils reprennent les passages dans Phoenix Wright, pareil, quand vous donnez une preuve et que vous avez pointé sur la bonne déclaration, enfin sur le bon passage de la déclaration, il y a souvent des onomatopées qui apparaissent en « prends ça », objection, enfin un instant. Bon, je vais pas les hurler parce que sinon ça va se tuer de ouf. Bientôt on pourra. Bientôt pour faire une boîte de son. Bientôt on pourra le faire. Et en fait, du coup, dans le film, pour mettre en scène ça, il y a pas seulement que, parce que des fois ils tapent sur les mains aussi dans le jeu, donc il y a vraiment tout un travail sur le sound design qui est incroyable. Oui. Et du coup, dans le film, pour pallier à ça et pour pas être prisonnier du jeu au final, donc il y a les hologrammes et en fait ils balancent l'hologramme sur le. C'est une vraie guerre de preuves. C'est comme quand il balance ses preuves, c'est vraiment, il balance à la gueule de. Mais what the fuck. Et ce film, alors c'est super dur à le choper maintenant, malheureusement. Ouais, mais si vous êtes fan de la licence, allez le voir, c'est trop bien. Ouais. Et du coup, c'est vrai que je voulais faire un point sur les mangas. Qui, du coup, toi, du coup, qu'est-ce que tu penses des mangas quand même? Est-ce que tu as bien aimé ou pas? J'ai un avis un peu plus mitigé dessus. Je les trouve bien, mais. Manque un petit truc et j'arrive pas forcément à mettre le doigt dessus. Et bah, moi j'ai adoré les deux mangas, que ce soit Setorni ou Investigation. Donc, tout est sorti chez Kurokawa Shinin déjà, c'est quand même bon à prendre. On note qu'il y a l'adaptation d'un jeu qui est pas forcément sorti correctement chez nous. Malheureusement. Et en fait, pareil, c'est du plus, c'est des affaires à côté. Ouais. Et ça m'a plu en fait. C'est que, par contre, si tu peux pas le lire sans avoir fait le jeu, pour moi, c'est impossible. Il y a trop de références. Il y a trop de... Bah, puis même, c'est des suites à d'autres trucs et tout. Bah, et. Alors, je l'aime beaucoup, mais en fait, ça marche parce qu'ils misent beaucoup sur l'humour, quand même. Ouais. C'est moins de peu de twists, mais du coup, vu qu'il y en a tellement dans le jeu, je trouve ça cool qu'il y ait un peu ces moments de vie qui me manquaient un peu dans le jeu, et tu comprends certaines relations que... Enfin, tu comprends dans le jeu, quand même. Mais ça approfondit certaines relations qui sont vraiment cool, et parce que c'est post-Apollo, parce qu'il y a Apollo, je crois. Je crois qu'on voit Apollo et Troussier des moments, mais je sais pas. Sûr à 100%. Je dis peut-être des conneries. Pardon. Et même Investigation, du coup, c'est très agréable de voir un peu Hunter et surtout Detective. Après. Quoi les noms, on vous attend très vite. Alors, parce que tous les noms dans Estorny sont des jeux de mots. Ok. Le héros s'appelle Phoenix Wright, donc vérité. Ouais. Et en japonais, il s'appelle quand même Nalugodo. Et Nalugodo, en japonais, c'est j'ai compris. Ah oui, bah oui. Je vois. J'ai compris, et c'est très très drôle. Et c'est. En fait, il n'y a que les principaux caractères, ils n'ont pas vraiment de. Ils n'ont pas trop de mots. Enfin, ils n'ont pas trop traduit de ça. Mais son meilleur ami s'appelle Paul Defesse. Ah mon dieu. Ouais. T'as un perso, c'est Eva cause des soucis. La vie est chouette. Ouais. Ah, la vie est chouette. Il est incroyable celui-là, mais l'expliquer, c'est faut le découvrir, faut vraiment les découvrir. Dites-vous que du coup, même les vannes japonisées sont traduites en français. Donc, Eva connaît ceci, qui a normalement un gros accent du Kansai au japonais. Elle est marseillaise, elle dit peu cher. Ah putain. Et c'est à mourir de rire. Sauf que du coup, bah, en fait, par rapport aux images du jeu, ça va, c'est pas cohérent. Bah oui. T'as des images typiquement japonaises, elle est marseillaise. Ouais, mais dis-moi qu'elle est de Marseille. Elle a juste un accent marseillais du coup. Parce que tu peux pas traduire en français l'accent du Kansai, parce qu'il n'y a pas l'éthique de langage. Et c'était la meilleure façon de faire, quand même. C'est qu'on peut se plaindre de l'orthographe, on peut se plaindre de plein de choses, de l'adaptation de l'époque. C'est des problèmes. Mais il y a quand même un travail d'adaptation énorme. Ça, faut quand même pas... La traduction, l'adaptation était très bonne. Par contre, c'est la relecture. Ouais, il n'y a pas d'usure de lecture et tout, ça a un peu amusé, quoi. Mais en vrai, je le pose là, juste avant. Tu le poses dans un coin, là, vas-y. Ouais, je le pose dans un coin, là. Et à quand une adaptation en VF avec Donald Renew en. Ah, comme dans. Phoenix Wright. En Phoenix Wright, comme dans Prefondateur versus Estorny. Bah écoutez, c'est Capcom, si vous nous entendez. C'est pas Level 5, c'est Capcom le problème, je t'ai rappelé. Capcom, si vous nous entendez, déjà merci. En présentant TV, ça n'avait pas le dire. Mais ouais, bon, un jour peut-être. Hein. On adore Resident Evil 5. Hein. Au moins un d'entre nous l'a aimé. bah écoute, très content d'avoir eu ces années positives. Je crois pas. Maintenant, on va passer au revers de la médaille. Qu'est-ce que tu as sélectionné comme pour toi mauvaise adaptation de jeu vidéo? Quel jeu vidéo va être ta cible? Alors, déjà, on va partir sur une licence que j'apprécie pas forcément de base. Ouais, mais t'es biaisé. Ah, bah voilà. Alors, pour le coup. Là, t'es niqué. Pour le coup. J'apprécie pas la licence de jeux vidéo, mais j'ai quand même donné sa chance au manga. C'est pour. Oh, voilà. Monster Hunter. Oula. Alors, moi, je ne me mets pas dans ce combat. Quelle adaptation ? Je m'en vais. Orage. Je t'écoute. J'ai l'impression que tu n'es pas d'accord avec moi. Je t'écoute, Zahali. Alors. D'accord. Ok. Calme-toi, Arthur. Alors, comme je dis, déjà, j'apprécie pas forcément la... Qu'est-ce que Monster Hunter ? Alors, qu'est-ce que Monster Hunter ? À part l'une des meilleures licences de jeux vidéo que j'avais sorti. Ouais, tu vas un peu loin. C'est genre ton avis, mais... Ok. Grosso modo, bah, ça va être, comme le nom l'indique, un jeu où tu vas chasser des monstres. Voilà, jusque-là, je pense que c'est bon. De Capcom encore. Et du coup, donc avec... avec beaucoup de, de farm, de gestion de son équipement pour pouvoir chasser de façon optimale les monstres qu'on te demande à chasser ou les monstres qu'il faut chasser parce que bah, ils posent un problème en étant là. Enfin, voilà. Globalement, c'est pas forcément un jeu à gros scénario. Hein, je pas pense du tout, que même. Voilà, c'est vraiment bah, chasseur pour, de monstres. Hein. Même pour souligner ça, j'aime pas Monster Hunter World parce qu'il y a du scénario dedans. Voilà. Voilà. Ah oui, quand même. Mais non, en fait, ah ouais, ouais, c'est je ah oui. pas à ce jeu pour un scénario. C'est ok. Ça, quoi. Vas-y. Mais du coup, bah, grosso modo, je pense avoir bien oui, présenté en gros, c'est un Monster Hunter. C'est pas... De farm, on bat des monstres en boucle pour avoir un meilleur équipement. Et voilà. C'est vraiment ça le principe. C'est aussi bête que ça. Voilà. Et c'est l'un des plus jeux les plus joués au Japon. Non, à l'époque PSP, surtout, c'est que tout le monde au Japon avait une PSP. Et tout le monde, il y avait des points dans rendez-vous dans la rue pour jouer à Monster Hunter PSP. Avec n'importe qui, on, et là on est dans la rue pour ça. On a mis beaucoup de temps avant d'avoir une adaptation en France du jeu. Je bah non, dès Monster Hunter 1 sur PS2, on l'a eu. Hein. Ouais, mais avant que ça prenne vraiment, il y a eu. Ah bah Monster Hunter World. Pas mal de temps. C'est grandir, c'est World qui a rempli en France. Voilà, avant ça, c'était très confidentiel encore une fois, quoi. Alors mais que c'est plus joué que Dragon Quest. Non, non, non. Tu peux pas plus jouer que Dragon Quest. Non, c'est la question. Ça fait partie quand même des piliers des jeux les plus joués au Japon, quand même. Même Dragon Quest n'est pas aussi joué que Dragon Quest. Hein, donc, Mais par exemple, c'est plus joué que FF. Oui. Donc il y a des gens qui posent des congés juste pour Monster Hunter. Bah, pour la sortie d'un nouveau jeu. Y a que Dragon... Non, il n'y a que Dragon Quest. Après, il y en a qui le font. Ouais, c'est sûr. La grosse majorité des gens, où il y a quand même des boîtes qui se mettent en pause de ouf, parce qu'il n'y a plus personne qui aime bosser chez eux pour un jeu vidéo, il n'y a que Dragon Quest qui fait ça, quoi. Putain, c'est insane. Mais il y aura un podcast sur Dragon Quest. Et maintenant, sur l'adaptation. Alors, pourquoi Orage, est-ce que t'en as lu d'autres ? Ou c'est juste parce que t'as lu que Orage ? Alors, j'ai lu Orage et j'ai pas lu d'autres adaptations de Monster Hunter. Ok. Voilà. Ce qui peut expliquer aussi pourquoi okay, non, je trouve que c'est une mauvaise adaptation. Alors, pourquoi tu n'as pas aimé cette adaptation ? Alors, pourquoi j'ai pas aimé cette adaptation ? Parce que, pour moi, elle s'adresse à la fois trop et pas assez à ceux qui connaissent la saga. Ok, développe. C'est-à-dire que je connais très peu la saga, j'ai joué un petit peu à un jeu, j'ai vu que ça me tentait pas plus que ça au niveau du concept. Très vite, j'ai vu que bah, c'est justement le jeu qui est basé sur le concept et ah oui, tous les jeux, c'est le même concept. Ah oui, voilà, donc si t'accroches pas au concept, voilà. Et du coup, j'avais vraiment pris le manga pour avoir une potentielle autre porte d'entrée à l'univers. Et d'un côté, je trouve qu'il n'y a pas assez d'explications pour les néophytes. Ça part du principe que ceux qui vont s'intéresser au manga connaissent le jeu et sont déjà dans l'univers. Mmh. Et d'un autre côté, a contrario, il y a des trucs qui ont été un peu enlevés par rapport à ce qui avait été dans le jeu de base. Le fait, bah, par exemple, qu'on ait des monstres vraiment spécifiques au manga, qu'on ne retrouve pas dans même des monstres emblématiques, des jeux qu'on ne retrouve pas forcément dans le manga. Ouais. Donc, c'est limite comme si c'était un univers à part. Je vois ce que tu veux dire. Et du coup, j'ai pas forcément apprécié parce que ben, moi qui pensais avoir une porte d'entrée vers l'univers, je suis arrivé totalement ailleurs. Ok, non mais je comprends du coup pourquoi, pour toi. Alors moi du coup je l'ai beaucoup aimé. Alors petite précision du coup, Monster Hunter Orage a été dessiné et scénarisé par Hiro Mashima, donc l'auteur de Rave, de Fairy Tail et de Eden Zero. Ouf. Ouais. Ah, quelqu'un qui est un petit peu connu. Non, Rave c'est bien. Rave c'est bien. Rave c'est bien. Ouais. Ça par contre. Et le reste. le reste. Alors, en fait, on en a déjà parlé pendant le premier podcast. On en reparlera, reparlera pas. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que, en fait, c'est vrai que pour moi, par contre, c'est pas du tout fait pour les néophytes du tout, parce qu'il met pas vraiment de place à l'univers. Et en fait, le principe des monstres, alors sans me défendre, hein, parce que je peux comprendre du coup le problème, en fait, il y a plein de régions dans Monster Hunter qui ont leur propre monstre. Et en fait, il y a une région qu'il n'y a pas dans les jeux. C'est pour ça qu'il y a cette fameuse Viverne Omega. Mais du coup, le côté, on est dans un truc qu'il n'y a pas dans l'univers que vous connaissez, je trouve que ça fait un peu facilité, quoi. Je dis pas le contraire. C'est un peu facilité de, je voulais faire un truc dans cet univers, mais je voulais pas me faire chier avec toutes les règles qu'il y avait dans l'univers que vous connaissiez déjà. Bah, faut pas, je comprends, c'est, et je sais pourquoi c'est ça, parce que c'est Hiromashima. C'est Hiromashima qui a fait un caprice envers Capcom pour faire un manga Monster Hunter. Donc je pense qu'ils ont dû lui dire, ok, mais tu touches pas à l'existant. Et je peux comprendre, c'est que je pense que c'est un kiff, parce que c'est court, c'est 3 tomes, ouais. Parce que le 4e, c'est du one shot fait par un de ses assistants, d'ailleurs, et c'est super cool à lire. Mais du coup, il y a aussi Monster Hunter Flash et Monster Hunter Epic qui sont sortis, qui eux, par contre, sont vraiment dans le dur. Qui sont très longs, hein, c'est minimum 10 tomes de chaque truc, et là c'est dans le dur avec du Rathalos, etc., du Kirin, et qui lui, je pense toujours pas accessible au néophyte, toujours je pense, mais par contre qui est beaucoup plus dans la dure, enfin la réalité du jeu vidéo, quoi. Là où ouais, Hiromashima c'est plus un hommage au jeu qu'une adaptation, je trouve, et du coup je comprends ton avis. Du coup ouais, ça s'éloigne trop pour toi, et du coup si ça s'éloigne trop, c'est plus une bonne adaptation du coup. C'est-à-dire que il y a le nom, mais il y a pas le cœur. Il y a le corps, mais pas le cœur. Il y a pas forcément l'essence globale. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est presque dû à la façon de plutôt qu'une vraie adaptation. Je comprends. C'est qu'il a surtout le nom plus que le jeu, quoi. Voilà. Ok. Non mais j'entends. C'est super intéressant. On va passer au suivant. Oui. Et j'aimerais que tu commences par le négatif, toi, par contre. Ah, ça tombe bien, je voulais commencer par le négatif. Bah, du coup. Tu vois, Comme quoi, Comme quoi, Attendez, il sort ses notes. Attendez. Voilà, ma petite Bible. Alors. On va parler d'un jeu que j'apprécie beaucoup, mais dont l'adaptation en film est genre, mais. C'est un film. Film d'animation, je précise, parce que attention. Alors, c'est un film. Quel est le jeu vidéo ? Alors, un petit indice. On joue une sorcière très sexy, avec ses cheveux. Ah. Et qui est devenue une exclue Nintendo. Alors, c'est pas une exclue Nintendo, parce que c'est sur PC aussi, mais... Non, mais... Ah oui, non, mais la suite, pour le moment. Le 2 et le 3. Oui, enfin, le 2, il est prévu pour PC, donc... bref. Oui, bon, bref. Donc, bon, l'état. Oh bah bravo. Wow. Pour ne pas la nommer. Hein, voilà. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est Bayonetta ? Alors Bayonetta, c'est un jeu de type beat'em all conçu par Hideki Kamiya, qui est le concepteur de base de Devil May Cry, si j'ai bien compris. C'est ça. Voilà, et c'est un jeu développé par Platinum Games, qui est sorti en 2010 sur PS3 et Xbox 360. Oui. Puis alors, la version sur Wii U. Puis voilà, enfin le jeu est sorti, enfin le premier jeu est vraiment sorti sur beaucoup de plateformes, hein, je les ai écrites, il y en a au moins 8 hein, je pense. Il y en a 8 hein. Je les nommerai peut-être à la fin hein. Mais tu n'as pas connu les tu peux pas le faire hein. je le ferai pas en fait. Parce que bon, voilà. Alors donc je vais vous raconter un peu l'histoire. Donc le jeu, ça raconte l'histoire de Bayonetta, une sorcière du clan Umbra, donc un clan de sorcières. Les sorcières de l'Umbra. Voilà, exactement, les sorcières de l'Umbra. Elle s'est réveillée il y a 20 ans auparavant dans un cercueil, et elle a perdu sa mémoire. Et elle est en possession d'un joyau, mais très puissant, appelé l'œil gauche. Alors bon, ils ont peut-être trouvé un meilleur nom, mais au final, c'est pas mal parce que l'œil gauche est... dans son œil gauche, voilà. Incroyable. Et du coup, elle se rend à Vigrid, une ville mystérieuse bénie par les anges, qui est censée cacher l'autre joyau, qui, vous le devinerez, est l'œil droit. Ouf. Ah bah... Merde. Mais comme par hasard... Elle est attendue de pied ferme par les anges, parce qu'en fait... parce que les anges, en fait, c'est les soldats du clan rival des sorcières de l'Umbra, qui sont les moines de Lumen. Donc moi, à l'époque, j'avais découvert via YouTube avec des combats de boss. J'adorais regarder les combats de boss de jeux que j'avais pas. Bon, maintenant, je fais plus parce que sinon, je me fais beaucoup trop spoiler. Ah, normal. Voilà. Donc moi, le jeu, j'ai trouvé superbe. Il a un gameplay quand même vachement dynamique et avec plein de références à Sega. Bon, déjà, rien que ce que tu récupères de base, les Halo, bah, c'est les Halo de Sonic. Ouais, les anneaux de Sonic, hein, voilà. C'est différent. T'as des remakes de certaines OST comme... ah mince, j'ai plus le jeu. Fly Me to the Moon. Déjà, il y a le remake de Fly Me to the Moon. C'est... voilà. Bon, bref, j'ai perdu le nom du remake de l'OST, c'est pas grave. Donc moi, j'ai vraiment aimé l'histoire, mine de rien, parce qu'elle est quand même marrante et glauque en même temps. Enfin, on va pas se mentir. Oui, hein, voilà. Confirmé. Hein, voilà, il y a du marrant, il y a du glauque. Enfin, voilà. Confirme tout ça. Voilà, le lore, pareil. Sinon, j'ai bien aimé tout ce qui est climax dans dans le gameplay. Voilà, voilà, c'est vraiment... Moi, j'ai fait que le 1, mais... là, on parle que du 1. Hein, ouais. Si vous aimez les combats épiques... On est vraiment dedans. Enfin, ça fait que monter. Même à la fin, je m'attendais vraiment pas à un boss aussi puissant. Et au final, voilà, quoi. Donc, voilà. Donc, dynamisme, bonne histoire, tout ça. Alors, l'adaptation. Alors, l'adaptation, hein, voilà, l'adaptation. Quel format c'est, du coup ? Alors, c'est un film d'animation qui s'appelle Bayonetta Bloody Fate, si j'ai une bonne. Si j'ai un bon accent, voilà. Ça a duré. Du coup, non. Du coup, c'est pas ça. C'est un film d'animation qui dure 1h30, qui est censé faire le résumé de tout ce qui se passe dans le jeu. Oui. Enfin, dans le premier jeu. Et en fait, j'ai pas du tout aimé. En fait, je me suis littéralement fait chier devant. Mais hein. Pourquoi ? Ça, la question. Pourquoi ? Eh ben, parce qu'en fait, tout ce dynamisme, tout cet humour, tout ce qui faisait partie du jeu, eh ben, à aucun moment, je l'ai ressenti dans le film d'animation. Même les combats, je les ai trouvés, mous, au final. Déjà, t'as essayé de les trouver. Voilà. Bon, déjà, voilà. Non, en fait, voilà. En fait, le seul truc qui est bien dans le film, et je dis bien le seul truc qui est bien, c'est que ça m'a permis de comprendre pourquoi dans le 2 on a des nouvelles armes. Oui. Ils l'ont juste justifié. Genre, quand elle se bat, en fait, elle pète littéralement toutes ses armes. Non, et par contre, c'est vraiment bien animé. Par contre, c'est quand même bien animé de ouf. Le chara design. Le chara design, je dis pas. Le chara design, je dis pas. C'est bien animé, c'est superbe. Mais c'est pas du tout. C'est pas dynamique, mais c'est superbe. Oui. Bon, sauf peut-être Jubileus vers la fin. Une personne dont je tairai le nom qui est dans Jubileus. Voilà, parce que sinon ça spoil un peu trop. Hein. Arthur l'Éternel, je suis pas d'accord. Mais... oui, non, mais après, elle est classico. Mais voilà, donc je vous invite à ne pas regarder le film, à vraiment faire le jeu. Mais du coup, alors, et même pour résumer ta pensée. Ça, c'est plus la recommandation. Oui, c'est une l'anti-recommandation. Ah mince! Non, ah bah là, je suis dans l'extrême là, excusez-moi! Du coup, en gros, t'as pas aimé parce que t'as pas retrouvé les émotions que t'as procuré le jeu, finalement. Les émotions et les codes. Surtout les codes. Parce qu'au final. Cette dynamique, j'en reparle encore. Moi, j'adore quand ça bouge partout, quand ça. Bon, les explosions, tout ça. J'aurais pu être un fan de Michael Bay, hein, si on pouvait. Et. Pardon! Et voilà, comment on trigger quelqu'un en 10 secondes? Non, en vrai, j'ai aimé des films de Michael Bay, hein, certains Transformers. Je suis fan de Michael Bay. On peut être fan de Michael Bay. Ah, ça arrive, hein. C'est pas une maladie. Non mais je m'excuse, hein, parce que j'ai peut-être un peu parlé trop vite sans faire gaffe, ça arrive. Ma langue a fourché, ok. Ouais. On coupera ça en montage. Ah non. Et merde. Donc voilà. Enfin, c'est surtout une histoire de sensations et de codes qu'il y avait dans le jeu que je n'ai pas retrouvé dans le film. Ok. Donc pour ça, c'est ressenti et codes. Voilà, ressenti et code. Alors, peut-être que j'ai trop pensé à l'émotion à ce moment-là, mais... Non, mais voilà. Le but, c'est qu'on désigne... On voit ce que chacun, comment il ressent sa chose. Ok, bah... Aucun problème. Voilà, pour moi, c'est ça. Enfin, je préfère autant que quelqu'un joue au jeu qu'au lieu de perdre 1h30 sur les films. Je suis plutôt d'accord sur l'ensemble. Après, voilà, si vous aimez, vous aimez. Non, mais moi, mais... moi, je ne juge pas. Enfin, je dis ça alors qu'il y a deux secondes. Ouais, ouais, vraiment, voilà. C'est un peu tard pour se voilà, voilà. Il ne juge pas, mais il n'est pas sûr qu'on puisse être fan de Michael Bay. Peut-être qu'un jour, je verrai l'intérêt. Et du coup, pour celui que tu trouves bien adapté. Ah bah là, je vais refaire ma propagande. Je vais radoter, hein, désolé. Alors, je vous donne trois indices. Bon, ça commence bien, c'est level 5. Du coup, je donne aucun indice. Ça aurait pu être LBX, mais j'ai été déçu du gameplay du jeu, donc je peux pas dire que c'est un jeu... Voilà, oui. Non, mais c'est quand même adaptation... Oui, mais... C'est déçu du jeu, pas d'anime, du coup. Si le jeu est mauvais, voilà, non, mais l'adaptation est bien, c'est une mauvaise adaptation, hein. Merde. Non, mais moi, je... Tu rends bien. Oui, non, bon, c'est oh, vrai. Oh, chier. LBX, c'est le truc avec les mécas, non? Ouais. Dan Ball Senki, ouais, ouais. Bah oui, c'est... Oui, voilà. Oui, c'est l'adaptation. Oui, voilà, c'est le nom, oui, ouais. Oui, non, c'est comme ça, voilà, moi aussi, je parle japonais, je suis jaloux. Tous les animes level 5. Après, level 5, c'est du cross-média. Oui, voilà, donc c'est... Oui, voilà, c'est... Et vous, pourquoi? Alors, qu'est-ce que Inazuma Eleven? Parce que c'est sûr qu'on n'a pas parlé du tout au pré-podcast. Je vois pas de quoi tu parles. je ressors mes petites notes pour essayer de parler plus vite, hein, parce que je radote. On s'en fout de l'histoire. C'est non, quoi, mais... Voilà, voilà. Bon, bref, c'est un jeu développé par le Level 5, comme vous le savez. Donc, voilà. Rien à redire. Rien à redire. Voilà, synopsis, en fait, c'est... synopsis. Non, je lis pas mes notes, ok? Quelle audace. Mais non, bref. En gros, c'est l'histoire de Mark Evans, donc le goal de l'équipe actuelle du collège Raymond. Non, mais j'ai écrit moi-même. Non, mais il n'y a pas de souci. Ah, hein, non. T'arrêtes pas. Je m'enfonce, j'ai l'impression. Bref, c'est le goal et capitaine de l'équipe Inazuma du collège Raymond. Le problème, ils sont que 7. Le but de Mark Evans, c'est de participer un jour au football frontière, qui est l'équivalent de la coupe du Japon des collégiens, pour faire très, très court. Parce que bon, après, il y a le football de frontière international, mais ça faudra faire Inazuma Eleven 3. Et donc, bon, le problème, c'est comme je dis, ils étaient 7. Alors, à un moment, en fait, il y a l'histoire d'un transfert d'un nouvel élève qui s'appelle Axel Blaze, qui est un attaquant quand même sacrément vedette, qui du coup se fait transférer chez Raymond. Ce qui a tapé dans l'œil de l'équipe, la Royal Academy. Donc, c'est un peu l'équipe de l'élite. Hein, voilà, bon, voilà. Donc, ils font un match amical. Et je sais pas pourquoi je me suis observé, mais c'est normal. Ils font un match amical au cours duquel Raymond se fait un peu défoncer, mais que Raymond gagne parce que la Royal Academy déclare forfait. Bon, à partir de là, on va enchaîner les matchs, mais on va surtout enchaîner... La suite ? Bah, la suite, mais la suite, c'est surtout des matchs de foot sur fond de manipulation, sabotage, tentative de meurtre et dopage. Et ça, je pense, dans l'œil d'un petit enfant, le petit enfant s'en rend pas compte, mais dans l'œil d'un adulte, ça Attends, frappe. Il y a tout ça dans Inazuma Eleven. Ah non, mais par contre, ah oui, il y a vraiment tout ça. Inazuma Eleven, il y a vraiment tout ça. Il y a un podcast prévu sur Inazuma Eleven entier. C'est vraiment insane, hein, l'histoire d'Inazuma Eleven. Ah ouais, non mais. C'est parce que j'ai vu dans les premiers épisodes de l'anime. Ah, c'est très vite. Hein, c'est, ah, ça commence très vite. Hein, les premiers épisodes, il y a des blessés, des bras arrachés. Je me souviens des blessés, mais jusqu'aux deux pages et au meurtre. Ah mais. Ah bah, je vais pas spoiler les équipes, mais dans les tentatives de meurtre, dans les 12 premiers épisodes, il y a vraiment tentative de meurtre et tout directement. Ah oui. Aucun souvenir. Ah bah. Regarde, tu vas très vite être après surpris. Après Hitman Reborn. le milieu du meurtre et du dopage était quand même plus sain avant le foot. Hein. Ouais. Là, du coup, ouais. Donc, bon, sinon, bah, si on peut parler vraiment du gameplay du jeu, il est très simple d'accès. Enfin, au début, hein. Enfin, ça monte petit à petit. Mais... Pas vraiment d'accord avec ça. Non, mais. pour moi, il est. Pour tu savais quoi, là Arthur, je suis pas d'accord. Non, mais. Après, moi, je me vois comme un gamer lambda, mais... Non, mais si, il est accessible, c'est un jeu pour enfants, quand même. C'est déjà, un enfant. Pour vraiment résumer le jeu, c'est un RPG de collection de personnages, donc comme un ouais. Pokémon, voilà, dans ouais. l'univers du foot. Et donc, il y a plus de 100 joueurs à récupérer et à capturer, entre guillemets, et à recruter tout ça, pour monter sa team de 5 et pouvoir taper des gens dans la rue et gagner le football frontière. Voilà, c'est Silent Hill 11. Ouais, voilà, oui. C'est fait par. Et du coup, c'est vraiment un JRPG où on se bat sur la map. Et en gros, c'est Pokémon, sauf qu'à la place des combats tour par tour, c'est des matchs de foot. Voilà, ouais. Voilà. Mais pas des matchs de foot à la FIFA, c'est vraiment des matchs de foot où on déplace vite fait les joueurs. Et quand ils se confrontent, là, on passe en mode JRPG où on choisit la commande. Si là, je tacle avec cette super attaque là. Et c'est vraiment en mode, ils ont des super attaques avec du feu, des éclairs, etc. C'est, voilà, puis il voilà. Y a un système de, je vais pas dire pierre, feuille, ciseaux, mais c'est avec les éléments. Oui, bah, c'est un pierre, feuille, ciseaux avec les éléments. Et puis. Main du destin. C'est pas un système de pierre, feuille, ciseaux, c'est un système de Yonkenpon, quoi. Ah, d'accord. Et donc. Moi aussi, je peux parler, voilà. Voilà. Et donc, le Half-Life, quand tu sortes un jeu vidéo, enfin, depuis. Nezumel One, d'ailleurs. Ah, c'est pas depuis. Ah, bah, ok. Non, parce que Kawa est sorti après. Ok. Depuis Nezumel One, quand tu sortes un jeu vidéo, enfin, un jeu vidéo pour enfants, parce que Nezumel One 2, ça désherbe à la règle, ils sortent en même temps un anime. Et du coup, c'est de ça que tu parles, c'est de cet anime et Nezumel One. Et même du manga, je peux même parler du manga. Ouh. Parce que mine de rien, j'ai quand même lu. Bon, c'est nul, mais j'ai lu la dernière partie du manga parce qu'à l'époque, quand j'achetais des mangas, c'est parce que je pouvais pas voir la suite de l'animé. Du coup, j'achetais la suite de l'animé, bah, format papier, donc c'était le manga. Ok. À l'époque, je pouvais pas avoir la troisième partie d'Inazuma Eleven. Du coup, je me suis acheté, bah, toute l'adaptation format papier de la troisième partie. J'ai cru qu'il y a, je me suis acheté toute la partie 3. Toute la partie 3. Mais pas le reste. J'allais dire, en fait, Eric, il a des bibliothèques incomplètes, c'est ça. Bon, plus maintenant. Non, mais... Et alors, pourquoi tu trouves que The Nezumel Eleven est bien adapté? Alors, pour l'animé, bah, y a tout le côté histoire, déjà, voilà. Le dynamisme, j'en parle souvent de ce mot, hein, voilà, bref. Il y a c'est jeune et dynamique. Voilà, exactement. Il y a tout le côté super technique qui est encore plus beau, parce que bon, à l'époque, sur non, DS, 3DS... Parce que oui, là, The Nezumel Eleven, c'est des jeux sur DS. Voilà, c'est des jeux sur DS, on pouvait pas trop taper dans le 4K HD 1080... Ouais, déjà, dans le 1080, c'était déjà dur, donc... Oui, voilà, voilà. Oui, donc, Donc on a tout ça, mais du coup en plus dynamique, et bah, c'est un vrai spectacle, en fait. Hein, y a même les émotions au cours du match... On a beau se dire, ouais, c'est l'équipe principale, elle va tout le temps gagner, des fois, elle gagne pas, hein. Voilà. Il y a quand même des mangas ou de sport ou même d'autres choses où l'équipe gagne tout le temps. Ça arrive jamais. Bon, alors, j'enlève peut-être manga de sport, mais, alors, animé, bon, on va en revenir à Yu-Gi-Oh, mais, Yu-Gi perd. Non, alors Yugi 5D, oh, il gagne tout le temps, sauf dans un flashback. Bah du coup, il gagne tout le temps, sauf quand il perd, il gagne. Oui, non, mais si on a le flashback, pour moi, c'est vraiment. Et pour le coup, il perd au tout début du démarque aussi, avant le flashback. Enfin, un peu. Ah oui, ils enregistrent pas ça comme une perte, mais oui, il y a un accident. Il y a un accident et ils font, bah t'as quand même gagné. Voilà. Oui, il a juste perdu. Il a juste perdu, mais il le laisse gagner. Donc, tu vois, c'est voilà. Voilà, mais sur le papier, c'est comme s'il avait jamais perdu. Oui. Ouais, je dis bien sur le papier. Ouais, enfin, il a quand même perdu. Hein, oui, bah. Et donc, on en revient à Inazuma Eleven. Bon, du coup, pour l'animé, il y a tout le côté comme je vous ai dit, c'est quand même vachement épique. Surtout la grande finale, hein, ils ont vraiment pas lésiné. Et au niveau du manga, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont pris un perso quasiment random du jeu qui s'appelle Peabody, un truc comme ça. Oui. Ils en ont fait limite le héros principal. C'est ça. Et bon, on le suit pendant les 10 tomes, en fait. Il est dans l'équipe. Alors, je sais plus si il reste lors de la Coupe du Monde, parce qu'au final, oui, voilà, son niveau, il est peut-être pas assez... Plus la merde. Voilà, son niveau n'est pas assez développé pour la Coupe du Monde. Mais du coup, pareil, dans le manga, c'est bien dessiné, les super techniques... Bah, non, mais bien dessiné pour des enfants, Arthur a quelque chose à dire, vois, qui parie sur un super ouais, d'accord. Non, mais il aurait pu avoir mieux. Mais alors, c'est bien dessiné, mais j'aime pas le character design. Ouais, voilà. Bon, après, c'est vachement reconnaissable. Voilà. Et puis, j'ai quand même réussi à ressentir la dynamique. Ok, alors, voilà. En gros, pour résumer, toi, c'est avant tout les émotions, finalement. Non, mine de rien... Et la dynamique. Et la dynamique. Ouais, en fait, si le contenu de base bouge, et que les adaptations bougent, je vais plutôt être dans le positif. Oui, en gros, c'est que si ça explose, et que t'as les mêmes émotions que le jeu, pour toi, c'est validé, quoi. C'est plutôt validé, même s'il peut y avoir deux, trois. Évidemment, voilà. Évidemment. Mais okay. oui, c'est plutôt validé. Alors, c'est vrai que je t'en veux. En vrai, pour Inazuma Eleven, je trouve que l'anime ouais. est mieux que le jeu. Oui. Ah oui, ah oui, non, mais oui, en fait, j'adore le jeu, mais pour le côté du gameplay du jeu, je trouve que dans la narration, ils ont des vrais problèmes, et du coup, en fait, limite, les phases de gameplay te sortent de tout ce qu'ils veulent t'apprendre. Ah oui, oui. Je veux dire. Mais, ah oui, oui. Et non. Que du coup, pareil, même dans les matchs, bah, vu que c'est du RPG, ah oui, bah, ça coupe. T'es un peu aux F, quoi. Ouais. Un petit peu, évidemment. Alors que du coup, franchement, la tension dans l'anime est vraiment folle, quoi. Il y a quand même 175 épisodes de Another Eleven, je parle pas de Another Eleven Go. Ah, j'en ai pas parlé, j'ai fait exprès de pas en parler. Tout est bien aussi, hein, vraiment. Oui, oui. Vous pouvez jusqu'à la fin d'Orion, tout est bien, vraiment. Ouais, vous avez devant vous 450 épisodes à garder, hein. Sans compter les films. Oui. Et franchement, même si vous avez jamais fait le jeu, et que vous voulez pas le faire, vous pouvez regarder largement parce que. Ah oui. Ça, c'est vraiment limite indépendant, quoi. C'est trop bien. Mais du coup, quand l'adaptation est meilleure que le matériau de base, est-ce que c'est une bonne adaptation? Oui, parce que du coup, elle prend tout ce qu'il y a de bien. Enfin, elle prend tout. Et elle le transcende. Il y a rien qui est mis de côté. Elle prend tout. Et c'est juste que, du coup, les phases de match, c'est comme Pokémon. Et comme Pokémon, c'est quand même vachement mieux en animé que dans le jeu vidéo. Ah, je confirme. Ah oui, là, je confirme. Là, oui, c'est là, oui, c'est clairement. Entre du tour par tour et des trucs qui explosent et qui je saute, bah, forcément, enfin, il n'y a pas de secret. Et c'est là où tous les RPG adaptés en anime, très souvent, pour les côtés combat, c'est agréable. Pour le côté histoire, souvent, c'est de la merde. Mm. On va pas sentir, malheureusement, mais pour le côté combat, souvent, c'est quand même cool. Mm. On est d'accord? Ah oui, oui, oui. Non, mais, pour le coup, oui. Mais tu vois, moi, je suis pas vraiment d'accord par rapport au jeu. Oui. Oui. Je peux me rapprocher un peu comme ça. Je suis pas vraiment d'accord. C'est que je trouve que même pour des enfants, le jeu est hyper compliqué, en fait. Ah, il y a beaucoup de choses à dire. Non, c'est parce que t'as dit. T'as dit qu'il est accessible. Non, moi j'ai dit qu'il était. Moi j'ai dit qu'il était putain d'accessible et lui il était pas d'accord. Mais du coup je te rejoins. Ah, 2 contre 1. Mais en vrai non, je trouve le jeu ultra compliqué pour avoir fait le jeu et en même temps regarder l'anime. Et ben j'ai abandonné le jeu parce que j'arrivais pas à m'impliquer parce que c'était trop dur pour moi. Le gameplay de l'anime est beaucoup plus accessible. évidemment. Non, je sais pas, moi ça m'a paru. Et puis je vais pas dire clair, mais ça m'a paru. Mais tu as joué, t'avais quel âge à Another Eleven? Bon, ouais. Après, il y a 8 ans, je crois. Il y a 8 ans. J'avais 35 ans, quoi. Exactement, j'avais 17. Pas du tout. Non, mais faut quand même, pour se rendre compte qu'il y a quand même tout un système de build et de gestion d'équipe, sans compter le recrutement, qui est assez hardcore, quoi. Ah oui, non, mais pour battre les équipes niveau 90, c'est sûr. Ça, c'est hardcore quand même. Mais il faut comprendre, il y a aussi du farm et tout. Enfin, c'est un truc que, si c'est le premier jeu que j'offre à mon gamin, il comprend pas. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais par exemple, Pokémon, tiens. On en reparle. Pokémon, c'est simple. Pokémon, c'est simple parce qu'il n'y a pas de build d'équipe. Tu peux faire tout le jeu avec un seul Pokémon. Mm. Pokémon, c'est un jeu très facile. Hein. Pokémon, ton starter, il peut te faire toute la ligue. Hein. Mm. Oh putain. T'es pas obligé de changer d'équipe entièrement. C'est quand tu grandis, tu commences à faire des strats beaucoup plus élaborées. Et surtout, dans Pokémon, tu te forces à faire des strats alors que tu n'en as pas besoin quand tu fais le jeu lambda. Final, c'est quand tu fais du haut niveau. Pour faire de 0 badge à la ligue, starter légendaire, tu roules sur tout le monde. Mm. Après, ils ont commencé à mettre des trucs un peu endgame et tout, où là tu peux commencer à avoir à réfléchir, puis après, évidemment, il y a l'online, etc. Et c'est là où les enfants, ils jouent plus. Ouais. Et après, un enfant, ça va juste être dur de faire le Pokédex entier, parce que là, c'est plus compliqué. Et encore de. Puis il faut être patient aussi. Mine de rien. Je pense qu'un enfant. Bon, après, maintenant, il y a beaucoup plus de jeux que nous quand ouais, on jouait gamin. Ouais, c'est vrai. Mais moi, gamin, bah, je jouais pendant 6 mois au même jeu. Et après, je m'en rends pas compte, mais d'un côté aussi, quand t'es gamin, bah, normalement, t'as moins de jeux vidéo, donc tu joues normalement plus longtemps tes jeux aussi. Mmh, c'est vrai. Après, moi, c'est ce que je pense. Je pense aussi, maintenant qu'il y a tellement de free-to-play à côté, qu'ils jouent sur Fortnite, donc c'est pas grave. Ouais. Mais voilà, dans tous les cas, Pokémon est quand même vachement plus accessible qu'un Zoom Eleven pour un enfant. Clairement. Bah, après, c'est pour ça que je l'ai pas comparé, mais bon, après. Voilà. Au final, tu l'as compris, c'est toi qui as demandé pour Pokémon, donc. À la fin! L'évident plat! C'est parti, ça bon, c'est bon. On digresse. Mon très cher Yannick. Oui. Qu'est-ce que toi tu nous proposes en bonne adaptation? Eh ben, moi, je vais reprendre du coup, parce qu'on en a parlé brièvement en parlant de Professeur Layton versus Ace Attorney. Et justement, moi, je vais plus partir sur Professeur Layton. Ah bah tiens. La diva éternelle. Oui. Ah. Parce que. Qu'est-ce que j'aime ce film? Encore le L5. Hein. Du coup, il faut quand même résumer les jeux ou pas? Non, il n'y a que Eric qui fait ça. Ah, il n'y a que Eric qui fait ça. Ah, bah j'ai pas. Bon, d'accord. Parce qu'on t'a quand même dit, pas en histoire. Et t'as fait 6 messes. Ça fait un synopsis qui est ultra détaillé. Bon, d'accord, j'adore les détails, donc oui. Mais c'est pas grave, c'est ce qui fait ton charme. Pour grosse Qu'est-ce que Professeur Layton ? Qu'est-ce que Professeur Layton ? C'est une série de jeux d'énigmes qui sont sortis principalement sur DS. Et 3DS, du coup. Et 3DS, du coup, plus tard. Il y a un jeu mobile aussi. Enfin, qui est devenu un jeu DS, oui. Un jeu 3DS, oui. Puis un Switch. Switch aussi. Puis et, un jeu mobile. Et encore un jeu la mobile. La boucle. Et voilà, globalement, ce que c'est. C'est deux trilogies. Comme tous les jeux de F5. Oui. Quasiment. Quasiment. Et comme beaucoup de jeux F5, l'histoire est extrêmement importante. Oui, alors là, elle est même primordiale, parce qu'au final, la mixion entre histoire et gameplay... Ça se dit pas. Mais non, mais c'est pas le bon terme. Ça veut pas dire ça, c'est tout. Mais enfin, le mélange entre énigme et histoire est assez bien dosé. C'est sans bio, ça, non Le mélange. OK, bah je regarderai pas. Enfin, le mélange entre du coup histoire et gameplay, enfin, fonctionne assez bien au final. Bah, et c'est jamais frustrant, quoi. Oui, bah chaque énigme est là pour souligner un avancement dans l'histoire. Même si, à certains moments, je vois que ça regardait des filles. Ah oui, d'accord. C'est pas effectivement. C'est un mot qui existe, mais c'est pas la même. Je crois que j'ai dû faire un mix entre... Ça arrive, t'inquiète. Et du coup, même si à certains moments de l'histoire, t'as quand même des paliers où ils te disent, évidemment, vous n'avez pas résolu un certain nombre d'énigmes, ne pouvez pas faire le contenu de fin de jeu, t'es là, ah, et vous n'avez plus de pièces SES non plus, ah, comment je fais ? J'ai pas eu ça, moi. Tu dois faire toutes les énigmes d'affilée ? Ah, oui. Peut-être. Il y a des enfants qui ne le font pas. Moi, lors de mes premières parties, ça a été le cas au tout début. Et voilà, grosso modo. Et du coup, Professeur Layton a eu un film d'animation. Et alors, moi, je digresse un peu parce que du coup, c'est même pas une vraie adaptation. C'est pas une adaptation. Hein. C'est un. Bah, le premier univers. C'est une autre affaire. C'est voilà. C'est comme le manga Stormy. C'est ça. C'est une adaptation de l'univers, pas une adaptation du jeu. Pas une adaptation à proprement dit des jeux. Quoi. Mais qui est canon et qui s'inscrit dans l'univers. C'est ça. Ouais. Parce qu'elle est très importante. Oh, qui est hyper importante en plus. Mais voilà. Pour toi, du coup, c'est une bonne adaptation ? Pourquoi ? Mais parce que, bah, en fait, le film, donc Professeur Layton et la Diva Éternelle, j'ai plus le réal et l'année, bah, c'était entre le 3 et 4. De toute façon, c'est le studio de l'OL5, de toute façon. Oui, c'est l'OL5, ils ont OLM leur propre studio. Non, OLM, si c'est OLM. Ouais, OLM, hein, ouais. Et en fait, du coup. 2010-2011. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Parce que le Blu-ray, je l'ai vu, j'étais encore au lycée, donc... Je me souviens l'avoir vu en avant-première à une Japan Expo. Ouais, c'est ça, c'est la dernière où je suis allé. Il me semble que c'est entre le 3 et 4, justement, pour faire le lien entre... Il se passe, ouais, parce que c'est, du coup, la deuxième trilogie est une prélogie, et il s'ancre au tout début de cette prélogie. Oui, c'est ça. Et globalement, on comprend pas l'histoire complète de la deuxième trilogie sans avoir vu le film. Clairement. Ah oui, quand même. Oui. En fait, tu vas avoir des préparations paiement qui sont dans le film, qui reviendront plus tard dans le dernier jeu, et voire dans le jeu d'avant. Donc toi, tu fais what the fuck. Donc moi, en tant que débutant qui a jamais joué, je vais être obligé de regarder le film quand même. Oui, mais il dure une heure et demie. Trois jeux avant le film déjà, donc. Si je veux tout faire. De toute façon, si tu veux faire les jeux, tu seras suffisamment hypé dans l'univers pour avoir envie de regarder le film. Oui, d'accord. Clairement. Ok. Et donc du coup, en fait, le film La Diva Éternelle, c'est un nouveau scénario d'une part. C'est une nouvelle affaire pour Layton. C'est l'une des premières rencontres avec Luc. C'est la première rencontre avec Luc. Bah en fait non, parce qu'elle est quand même dans le quatrième. T'as l'appel du spectre qui est la première rencontre. Qui est la première rencontre. Ouais, et en fait, ça se déroule entre le 4 et 5. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc du coup, mais dans les trailers, ils l'ont vendu comme la première rencontre entre Luc et le professeur. Alors que le film commence, pas du tout, ils se connaissent et ils se kiffent déjà, quoi. Oui. Et alors, ils se kiffent pas déjà du tout. C'est ça l'intérêt. Si, quand même un peu. Hein. Il y a encore des petits passages. Vraiment, d'accord. Spoiler. D'ailleurs, on précisera pas pourquoi. Et donc du coup, en fait, c'est une toute nouvelle affaire. Et je trouve que ils ont bien réussi à adapter le gameplay au film. En fait, moi, ce qui m'avait fait peur quand j'avais entendu parler du film, c'est que je me suis dit comment ils vont développer le côté énigme sans que ça paraisse redondant, sans que ça paraisse comme dans les trailers, genre ils te font un truc tout bateau et tu trouves la solution en deux secondes. Ouais, parce que pour la boîte de Pandore, ils l'avaient fait, c'était genre T'avais tout dénoncé. En dessous, la solution, c'était une boîte et deux pans en or. Voilà. Mais what the fuck? Non, je n'ai pas trouvé. Oh là là. Ah, et donc c'est... après, t'avais la célèbre animation du professeur. Oui. Et en fait, et au final, ils tombent pas dans les écueils du jeu. C'est-à-dire que non. Quand ils résolvent une énigme, t'as pas les animations du professeur en mode tac, tac, tac. J'ai trouvé la solution. Mais t'as le côté un peu énigme numéro 1. Ils avaient retiré aussi tout le système de Picara et tout, parce que ça avait pas de sens. Oui, bah oui. Et en fait, ils ont retiré tout ce qui était vraiment propre au gameplay. Ouais. C'est ça, ouais. Au final. Parce qu'il n'y en a pas besoin. Et puis même, je trouve qu'en fait, même dans l'écriture des énigmes et tout, c'est ultra inspiré. En fait, c'est un film qui est ultra inspirant. Et en termes d'animation, il est incroyable. Ah, il est vraiment magnifique. Il y a des passages. Et les OST. Et l'OST. Et bah heureusement vu non mais et en fait pour justement faire une petite aparté OST sur Professeur Layton, d'une manière globale c'est assez proche du je vais avoir du mal à trouver les mots parce que du coup je m'y connais pas assez, ouais, mais je trouve que l'OST elle a un côté assez rétro, enfin rétro accordéon et tout. En fait elle est très londonienne, c'est ça, très dans l'accordéon, c'est de la guinguette londonienne en fait. Et bon, c'est la guinguette et une musette. Ouais, c'est ça. Et par contre, dans le film, étrangement, tout ce côté guinguette disparaît. On est plus sur un côté opéra. Donc. Et on est carrément sur de l'opéra. Et c'est d'où incroyable. D'où le nom. Et c'est ça qui est trop cool. Et d'ailleurs, le film s'ouvre quasiment sur la scène de l'opéra. À 20 minutes près, ouais. Non, il s'ouvre sur la scène d'opéra. Il y a l'histoire de l'opéra. Oui, après t'as du coup eux qui sont appelés et t'as 20 minutes après et t'as je crois 10 minutes d'animation juste de l'opéra. Non, il est fou. Qui est incroyable avec une OST mais à couper le souffle. Et pour rebondir du coup sur les énigmes, c'est que dans la réal tout est fait pour que vous puissiez aussi trouver en même temps que Layton. C'est ça, ouais. Parce qu'il y a des énigmes qui sont posées, parce que c'est dans le lore, c'est pas juste une énigme, c'est dans le lore. Du coup, on voit chacun chercher, machin et tout. Et en fait, toute la réelle et tous les plans sont faits pour qu'on puisse voir les indices sans que ce soit, genre, ça clignote, quoi, c'est pas de la réalisatrice. Et que, tout du coup, un peu la tirade de fin qui mène petit à petit, il y a ce temps entre chaque indice, on se dit, mais attends, si j'ai vu ça, machin et tout, et bien on peut participer activement quand même au énigmes qui sont quand même posées, et ça je trouve ça hyper intelligent dans la réalité. Tout en n'ayant pas le côté blocage. Exactement, pause tout à fait, il n'y a pas de pause. C'est juste que, vu que c'est pas rallongé, c'est que c'est tout le débit est fait pour qu'on puisse suivre en même temps les personnages qui découvrent et toi aussi, et du coup te faire ton avis sur l'énigme. Et ça c'est hyper important. Et dans l'édition Deluxe Casée, donc que j'ai à la maison, déjà il y a tout le storyboard complet, premièrement, déjà, si vous le trouvez, achetez-le. Et dans cette boîte, enfin, même pas dedans, ça, la boîte en elle-même est une énigme. C'est, on retire le fourreau, et là, il y a plein de trucs partout, des chiffres, des lettres, et il fallait trouver un code à 5 chiffres à l'époque, enfin, 5 caractères, et via ça, on rentrait sur Internet, et on avait, bon, elle commence plus la merde, c'était des avatars Facebook et Twitter. Mais. C'était la mode à l'époque. C'était la mode à l'époque, hein. Mais, le fait que même le packaging soit une énigme, j'ai trouvé ça vraiment trop bien. Hyper intelligent. C'est hyper intelligent, quoi. C'était dans l'identité jusqu'à la fin, quoi. Bah, sans au moindre détail. C'est cohérent jusqu'au packaging, quoi. Ouais. Enfin, là, c'est vraiment insane. Donc, on peut dire que pour toi, une adaptation fidèle, c'est quelque chose qui va même au-delà du jeu vidéo lui-même. En fait, moi, pour moi, une bonne adaptation. Pas forcément une adaptation fidèle. En fait, pour moi, une bonne adaptation, c'est une adaptation qui arrive à prendre son matériau de base, enfin son matériel de base, et vraiment à le transcender, en fait. Qui va plus loin. C'est ça. Tout en gardant l'esprit du truc. Oui, par exemple, j'ai un contre-exemple assez simple, c'est par exemple. Tu en parlais. Non, même pas par rapport au jeu, mais juste pour faire une aparté. Par exemple, Ghost in the Shell. Ouais. Donc, t'as le film d'animation japonais qui est incroyable. Et puis, t'as le remake américain qui est une copie plan pour plan, mais qui n'arrive pas à délivrer le même message que le film. Et ça, pour moi, c'est une mauvaise adaptation parce que ça copie juste bêtement plan pour plan. En fait, c'est un film qui est fait pour de mauvaises intentions. Oui, je comprends. La forme sans le fond. Oui. C'est ça. Sachant que, alors pour aller sur Ghost in the Shell, le problème, c'est qu'on voit qu'il y a eu un deuxième réal qui a re-adapté le tout parce que c'est vraiment denti. Genre, d'un coup, on a une scène ultra osée, on sent que le mec a adoré, c'est hyper important, et d'un coup, il y a juste Scarlett Johansson à moitié à poil qui est en train de faire des vrilles. C'est ça, ouais. Bah non, en fait. C'est vraiment une digression de ouf. Et c'est dommage sur ce film, c'est que on sent que là c'est lui, et du coup c'est pas uniforme, et c'est majoritairement des trucs plats et pas intéressants, quoi. Voilà. Bref. Bah, pour résumer, le film, c'est ouais, une ouais, coquille c'est... vide. Ouais, c'est ça, c'est ça. Malheureusement. C'est un Ghost in the Shell. Finalement, est-ce que le film lui-même n'est pas une adaptation? Finalement. Mais voilà. Ok. Et alors, celui que tu trouves mal adapté? Ça va être Kingdom Hearts. Le 1? Bah, tous. Attention. Globalement, j'ai pas aimé les mangas. Ah, alors là, du coup, je suis pas d'accord. Arthur, je suis pas d'accord. Non, parce que moi, celui que j'allais dire mal adapté, c'était Kingdom Hearts 1, justement. Ah, moi, j'ai lu que le premier, parce que sinon, je me spoilais les jeux. Donc, alors, pourquoi tu trouves que tous les mangas sont mal adaptés? Voilà. Mais en fait, je trouve que ça essaye. Donc, on va pas redéfinir Kingdom Hearts quand même. Alors Kingdom Hearts, c'est un RPG. Rappelez-vous du jeu, c'était un des premiers. Vous avez donc c'est un RPG de Square Enix avec les héros de Disney et Final Fantasy. Voilà. On va s'arrêter là parce que on va s'arrêter parce que sinon. Sinon vous allez faire une Eric. C'est alors. Got it memorized. Globalement, c'est la meilleure et la pire façon de résumer Kingdom Hearts. On va rester là-dessus, quoi. Voilà, on va rester sur ça. Et en fait, non, les mangas, j'ai pas réussi à me plonger dedans parce que, bah, d'une part, le premier, c'est pas très beau. Le premier non, mais j'écoute, moi, pour le moment. Le premier jeu, c'est vraiment pas je charge ma barre. Le chara-design, je le trouve vraiment pas ouf. Et en fait, là, pour le coup, c'est typiquement ce que je pointais aussi du doigt avec Ghost in the Shell, c'est que c'est d'une copie. C'est juste une copie bête. Et ça apporte rien de plus, ça pourrait apporter des informations en plus, ça pourrait... j'ai eu ce ressenti un peu sur tous les mangas, globalement. Après, j'en ai un vieux souvenir, moi je les avais lus à l'époque, c'était même en scan japonais, donc je suis pas très très fier. Mais nous ne cautionnons pas. Nous ne cautionnons pas. Au moins, ils ont enlevé le monde de Tarzan dans le premier. Tom. Oui. En fait, de tout ce qui n'est pas cache 1, ils ont enlevé le monde de Tarzan. Je t'ai rappelé. Ouais, oui, aussi, vraiment, oui. Je t'ai rappelé, hein, parce que même dans oui. le roman, il n'y est pas. Même dans Recom, il n'y ah bah, est pas. Ah bah, je savais pas qu'il y avait un roman. Tarzan n'existe plus. Et ils l'ont laissé dans Final Mix. Ouais, parce que c'est malheureusement... Ah, t'es un peu obligé, quand même. Vivement la Final Mix sans Tarzan. Mais en fait, ouais, globalement, je trouve ça... La Good Edition. Alors. Kingdom Hearts Final Mix Perfect Edition. Non, mais no Tarzan niche. Sans Tarzan. Le DLC, ça enlève Tarzan. Tu vois, ça enlève du contenu. Le futur mais des DLC, les DLC qui enlèvent. Ce qui est très drôle, c'est que du coup, on peut en parler. Parce que dans Kingdom Hearts 3, ils ont fait leur Tarzan aussi. Ils ont fait. Ah bah oui, je l'ai fini. Je trouve ça moins pire que Tarzan. Je trouve Arendelle moins pire que Tarzan. En fait, moi, je trouve qu'Arendelle, c'est juste une arnaque. C'est une arnaque, mais c'est oui. pas chiant oui. dans le. Ah, si, c'est chiant, mais. Comme c'est Tarzan. Tarzan. Non, mais dans le sens que moi, je suis une bite en plateforme. Il y a une différence entre s'emmerder et s'emmerder, c'est chiant. Voilà. Vraiment. Voilà. Bref. Mais bref. Mais voilà, enfin, moi, globalement. En fait, moi, globalement, dans les mangas, le problème que j'ai eu, c'est que c'était trop proche des jeux. Et que peut-être que j'en attendais trop en me disant, peut-être qu'ils me donneront plus d'informations, peut-être qu'ils m'aideront à comprendre un peu mieux. Et en plus, je trouvais ça pas très joli. Peut-être que j'en attendais trop. Phrase la plus utilisée sur la saga Kingdom Hearts. Oui, c'est pas faux. Bah, après, moi, les jeux, non, pas tant que ça. Mais parce que moi, j'attendais les jeux avec impatience, mais j'ai jamais été réellement déçu par un jeu. Kingdom Hearts, à part 3D. Puis encore, tu peux même pas dire déçu au final. Tu dis ça. Non, 3D est le pire Kingdom Hearts, je suis d'accord avec lui. Mais le problème. C'est que c'est l'un des plus importants quoi, dans sa fin. Oui, oui, que dans. Oui, parce que dans bah... ça résume le problème. Ça résume le problème de Kingdom Hearts 3D. Le marathon. Mais encore, voilà. C'est vraiment faire un jeu de 25 heures pour 5 minutes de trucs. Après, globalement. Ah, sinon, il y a Gacha aussi qui est assez horrible. Qui ouais, mais qui il a une histoire bien jusqu'au bout. Oui. Non, alors qui a une histoire bien, mais il est horrible dans le reste. Bref, pour revenir. Bref, pour revenir. Voilà, moi, voilà, ça m'a pas plus touché que ça, quoi. Du coup. Alors là. Tu l'as pas aimé parce que pour toi, c'est une copie, une pâle copie nulle. Oui. Vous ne l'avez pas vu, mais là, il y a. Il prend le micro. Il y a une translation de micro qui s'est faite de façon. Et il s'apprête à me taper avec une balle de baseball juste à côté. Du coup, je vais faire un peu le mien en même temps. Et au pire, je rebondirai sur un autre, on verra. Pour moi, pareil, l'exemple d'une mauvaise adaptation en manga était Kingdom Hearts 1. Pourquoi? Attention. Kingdom Hearts 1, il y a un gros problème, c'est que, en fait, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est une copie conforme en enlevant des éléments qui va très vite. C'est en 4 tomes ridiculement fins. C'est édité dans le sens occidental. Et, oui, ça c'est un score. Et l'autrice a pu à peine faire le storyboard. En fait, elle a quasiment rien fait dans le processus créatif. Okay. Elle était juste là pour finir, en créer et tout. Disney a serré, enfin, Buena Vista exactement, a serré la vis en mode, j'ai quand même Mickey tout dedans, on va pas déconner quoi. c'est notre truc. Elle fait les quatre, et à la fin, elle fait, par contre, si vous voulez que je fasse la suite, je fais tout moi-même, et vous me laissez faire. Ou je fais plus. Disney a fait, ok, on prend quelqu'un d'autre. Ça, c'est sûr. Tous les fans ont fait, on vous chie à la gueule, on n'achètera pas les hangars. Ils ont fait, ok, bah on te rembauche, tu fais ce que tu veux. Allez, chais. Et là sort Chain of Memories, du coup. Et si je devais choisir la meilleure adaptation de manga ever, c'est Chain of Memories. Et même, et en fait, je pense que t'as vraiment pas un souvenir de Kingdom Hearts en manga, parce que Chain of Memories, c'est, ça prend la trame et ça rajoute énormément de choses qui sont canon dans l'univers et qui permettent en plus, et qui ont, par exemple, il y a plein de choses qui sont dans KH3 qui ont été cool dans les mangas. Et même Nomura a dit, ça, je l'ai pris du manga. Mmh. Ouais, mais tu vois, par exemple, le 2 avait le même. Le 2, je trouve qu'il y avait le même problème aussi. Sauf que le 2 fait 10 tomes, et le 2, il y a des arcs entiers qui sont pas dans le jeu. Attends, tu veux dire que Nomura n'avait pas tout prévu depuis le début? Non, mais Kingdom Hearts 1, il n'y a plus rien qui est cohérent avec Kingdom Hearts 1, non, maintenant, on va pas s'en tirer. Alors, je suis pas d'accord. Non, mais... non, je grossis. Mais clairement, il arrondit les angles pour accrocher les wagons, quand même, avec le 1. Avec le 2, je pense qu'à partir du 2, il avait déjà quand même pas mal de disques général. Mais je pense que le 1, il l'a dit lui-même. Le 1, il devait pas marcher à ce point-là, à la base. Bah, il devait pas marcher à ce il point-là. Il devait pas y avoir de suite, à la base. Mais en même temps, les boss secrets, ils collent tellement de trucs par rapport à la suite, quoi. Bah, parce que, ouais, mais c'est la suite qui le fait coller. Ça colle pas grâce au 1. Tu vois ce que je veux dire? C'est la suite qui a raccroché wagon. Ouais. Bah, si. Bah, c'est dans la version Final Mix. Dans la version normale, on. Si, dans la version normale, il y a des boss secrets. Il était aussi, ok. Ok, je pensais. À chaque fois qu'on parle de la saga Kingdom Hearts dans son ensemble, ça part en débat de 3 heures. Non, mais moi je suis d'accord que tout est cohérent à partir de Chain of Memories, mais Kingdom Hearts 1, c'est des choses qu'on est... ouais, on vient les chercher pour la rajouter, mais par rapport à Kingdom Hearts 1, il y a plein de trucs pas prévus, quoi. Ouais. Même sur les porteurs de Keyblade et tout, ils pensaient pas à ça du tout, quoi. Alors, oui. Même la guerre de Keyblade, elle existait pas, je suis désolé, quoi. Alors, ouais, la définition entre Wilders et porteurs. Oui, non, mais tu vois, tout ça, c'est Kingdom Hearts 1, Nomura l'a dit, ça devait être un one-shot, et il devait passer à autre chose. Donc, forcément, qu'il n'ait pas tout prévu de base, tu vois. Même si ça se tient et qu'il a bien accroché, c'était pas prévu de base. Mais pour revenir au manga, tous ceux après Cache 1, il a chier. C'est de la bite. Mais les autres, ils apportent des arcs entiers et plein de visions des personnages annexes qui est grave mis en avant. Et l'autrice a pu faire vraiment ce qu'elle voulait tout en gardant le truc de base et en rajoutant. Et avec un dessin de ouf. Et franchement, c'est le meilleur character design qu'on pouvait avoir. C'est trop bien ça. Et même pour les personnages de Disney. En regardant le character design Disney, parce qu'il est en Disney, elle a pas le choix, tout en le mangatisant un petit peu, c'est trop bien. Et du coup, je te remercie, il y a vraiment deux tomes, un tome sort, un tome Riku. Et ça reprend le tout. Et tous les mangas sont comme ça. Et c'est vraiment trop bien. Et bah écoute, je te conseille de les relire, vraiment. Et bah, tu sais quoi, c'est ce que j'allais dire. Je vais les relire, puis je verrai si je. Et bah, tu nous diras ça quand tu auras relu. Ça me fait mal au cul de recommencer le 1 quand même. T'as pas lu de relire le 1. Non, mais je pense que je vais acheter les éditions ultimes là. Ouais, je les ai, je peux te les prêter. Je les ai toutes. Ouais, non, je vais les acheter moi-même. Bon, bah, d'accord. Mais ouais. Non, mais c'est parce que j'aime bien avoir la collection. Je comprends. Mais après, d'où je comprends ton. Vraiment, je suis 100% d'accord sur le 1 par contre. Ça, y a aucun problème. Ouais, tu m'as chié dessus sur le reste. Mais c'est... Ah oui. C'est classique. Mais du coup, pourquoi exactement c'est une bonne adaptation, Chain of Memories? Juste parce que. Parce que ça. On retrouve, ça rajoute des on trucs. On retrouve tout le jeu. Il y a toutes les intentions du scénario et même des combats du jeu. En rajoutant en plus ce qu'il faut pour vraiment combler entre guillemets les zones de vide, et surtout ça souligne beaucoup les personnages, c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que moi j'ai une adaptation, parce que ça garde toutes les lames du jeu en rajoutant en plus une couche par dessus, quoi. Mais c'était pas elle que je voulais proposer quand même en bonne adaptation dans tous les cas. Du coup, ouais, en mode adaptation, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter avant qu'on passe à autre chose? Non, moi c'est bon. Donc il y avait Kingdom Hearts 1, du coup bah on en a parlé. Et toi, Arthur? Je vais pas en retrouver une autre, parce que je pense que c'est bien, ça raccord. Mais par contre, je vais parler du coup de celle que je pense qui est une bonne adaptation. Et je sais que Ben va me rejoindre dessus en plus, donc je suis content. C'est Danganronpa 1. Ah! Mais j'ai brisé le 1, pas les autres. J'ai pas vu le. Parce que 2 et 3, non. Danganronpa 1, donc Danganronpa, c'est un visual novel sorti à la base sur PC et Vita. Et alors, PSP. Si vous avez l'impression que ça reprend pas mal de trucs qu'on a dit par rapport à Ace Attorney tout à l'heure. Ça ressemble beaucoup, en vrai. C'est normal. C'est un jeu qui est, par contre, très dur d'accès, je trouve, parce que c'est un univers très, très spécial. Mm-hmm. En gros, c'est vraiment un nounours qui fait surtout tuer des gens. Voilà. Et vraiment, ne gagnons pas, tout le thème, c'est le désespoir. Voilà. Prenez ça, c'est le désespoir. Et en gros, dans le jeu. C'est très mignon sur le dessin, par mais contre, dans les tout. Thèmes. Et en fait, du coup, les phases sont très simples. Il y a une grosse journée où quelqu'un se fait buter. Comment il s'est fait buter? Qui s'est fait buter? On enquête. Puis paf, il y a le procès. On va l'appeler comme ça. Comme dans Restorny, quasiment, en fait. C'est à peu près... Vraiment, les deux jeux sont très comparables et ont la même fanbase, quasiment. Pour les jeux, maintenant, c'est tout disponible sur PS4, sur PC et tout, c'est fait disponible. Oui, ils ont sorti des collections. Ouais. Et du coup, l'anime, ça se passe en 12 épisodes. Parce qu'en fait, il y a 6 affaires, je ne regarde pas. C'est un épisode où il y a tout le build-up et le meurtre. Un épisode où c'est tout les révélations et le procès. Et c'est ça qui est... En fait, c'est que, du coup, bah... Quand vous le regardez semaine par semaine, là tout se met dans le process en plus, c'est que le média va dans le process de sa diffusion, donc ça va plus loin que juste une diffusion média. C'est que du coup, pendant la semaine, et ben t'avais tout, tu pouvais tout revoir l'épisode parce que même dans l'épisode, tu pouvais toi-même savoir grâce aux indices. Et du coup, t'avais tout le build-up vraiment genre, ah putain, mais là il a fait ci, mais il a fait ça, et du coup, tu cogites et tout. Tu faisais tes théories, et t'arrivais au procès, t'es là, putain, je suis sûr que c'est lui. Et ben c'était pas lui. Parce que c'est De Gagnon de Pas, mon gars. Non, vraiment. Et ce qui est bien, c'est que De Gagnon de Pas, il y a tout un principe de. Parce que du coup, c'est pas du 1v1. De Gagnon de Pas, il y a un principe en fait de barillet de balles dans le jeu vidéo. Où en gros, c'est toutes tes accusations, c'est des balles. Du coup, t'as un nombre limité dans ton barillet. Et quand tu les envoies, les autres aussi ont des balles, du coup. Parce que chacun peut accuser tout le monde. C'est qu'il n'y a pas que le héros principal qui est là pour accuser. Du coup, ça tire littéralement à balles réelles. Pour le coup. Et en fait, c'est que. Même le héros se trompe dans l'animation, ça qui est, c'est qu'il a pas juste tout le temps raison. Le jeu du loup-garou. Ouais, vous voyez ça comme un loup-garou géant. Ouais. C'est bon, exactement un peu ça. Plus mortel, quoi. Et du coup, je jouerai pas. et là, en plus, c'est bien parce qu'il joue même le code de l'adaptation, parce qu'il y a quand même pas mal de setup où on revoit le jeu quasiment tel quel, en fait. Et ça, c'est ultra fort parce que c'est incrusté dedans. C'est logique parce qu'il y a une DA. À lui-même. Il y a des transitions dans l'animé qui sont les transitions du jeu vidéo. Ouais, clairement. Parce que c'est assumé de ouf, quoi. Et j'aime ce côté où ça reste un animé qui reste ludique, du coup. Et, bon, du coup, par, si t'as vu l'anime, pour moi, le jeu a d'intérêt. Et je trouve, par contre, quand même, l'inverse, si on a fait le jeu, bah, l'intérêt, c'est quand même la réflexion et les plot twists. Donc, si vous avez fait Dungeon Run pas le jeu, moi, l'anime, vous pouvez passer à côté. Et en ce moment, si vous avez vu l'anime Dungeon Run pas le jeu, vous pouvez passer à côté. Non. Je suis moins d'accord sur le jeu. En vrai, si vous avez fait le jeu, vous pouvez faire l'anime pour revivre le truc. Ouais, et la fin est différente. La fin est différente du jeu, c'est au moins ça. Et du coup, voilà, pour moi, pourquoi c'est si bien? Parce que on a tout ce qui fait le bonheur du jeu. On a même l'impression de jouer au jeu en regardant l'anime. Et encore une fois, c'est que ça arrive à jouer avec les codes de cette adaptation et même de sa diffusion. On retrouve un peu le dynamisme chez Eric, quoi. Bah, même pas de dynamisme, hein, c'est plus le sentiment, vraiment, là. C'est vraiment le ressenti. Eric, le dynamique. Et l'intelligence qu'ils ont mis dedans, en fait. Voilà. C'est juste, on n'offre pas. Voilà, en fait, c'est con, mais on n'offre pas juste une bouillie prémâchée. C'est genre, oui. Ok, on a un jeu. Bah, tiens, c'est l'histoire de ton jeu, un peu mal animé, découpé différemment, quoi. Ça m'intéresse pas de voir ça parce que j'ai fait le jeu. Même si j'ai pas fait le jeu, bah du coup, j'ai une meilleure version qui est dans le jeu et du coup, je vais peut-être juste me gâcher le jeu. On a le côté de la fidélité de Ace Attorney, le côté des sentiments dont parlait Eric sur Inazuma. Ouais. Ouais. Et on a un peu ce que tu disais. Ouais, aller plus loin. Ouais, aller plus loin. Ouais, c'est un peu un condensé de tout. Tirer vers le haut. Je trouve que Dungeon Run pas, c'est un peu un condensé de tout ça. Et c'est vrai que moi, je suis d'accord avec vous tous en fait. Et je pense qu'on avait fait un peu du coup ce prisme de ce qui fait une bonne adaptation, c'est que on veut juste pas, on veut pas de la bouillie prémâchée qui est moins bien entre guillemets que le jeu vidéo. On veut pas du fidèle 100% pour partant. C'est ça, faut. Ce qu'on veut, c'est quelque chose qui va un chouïa plus loin et qui va de voir au moins une autre vision du jeu vidéo. Si tu veux faire la même chose, ben la même chose, ça existe déjà, c'est ce qu'il y a de base. Ouais. Exactement, je suis entièrement d'accord. Par contre, on veut pas quelque chose qui s'en éloigne trop parce que ça doit rester une adaptation, ça doit rester propre à l'univers. Exactement. Et c'est là où j'avais le problème avec sur Orage. C'est que quelque part, c'est pas vraiment dans l'univers. Non, mais j'entends ça triche un peu avec ce truc-là. Non, mais c'est ça, du coup, je trouve qu'on a un bon prisme. Et donc, c'est vrai, c'est posez-vous la question, du coup, quand vous regardez une adaptation, ou avant de la regarder. Et n'hésitez pas à nous dire, du coup, vous, quelles sont un peu vos adaptations que vous avez kiffées ou pas. Et si vous voyez d'autres choses qui vous font kiffer, vous n'êtes pas du tout d'accord. Sinon, vous avez adoré Orage et tout. Après, ça peut être une mauvaise adaptation, mais quand même l'aimer. C'est vrai que, par exemple, moi, Orage, c'est vrai que je trouve pas ça que ce soit une bonne adaptation. Mais j'ai aimé Monster Hunter Orage quand même, par exemple. Oui, parce que t'es fan de la licence. Parce que j'ai ma licence et tout, et que le manga est quand même bon en lui-même, quoi. Mais voilà, c'est. Je pense qu'il y a plein de choses qui jouent comme ça. Est-ce que, parce que du coup, on est quand même grave dans les temps. Mais moi, je suis choqué, quoi. Mais t'as pas dit celui que t'aimais pas, toi? Bah si, c'est Kingdom Hearts 1. Et, si. Ah bah oui. Ah bah oui. C'est pas ça, du coup, vu que c'était relié. Et est-ce qu'il y aura une autre adaptation où vous aurez parlé un peu sur la fin, brièvement, que vous en auriez cité? Eh ben, justement, là, je viens d'y repenser. Oh. Il y a, parce que j'aurais pu le citer, mais dans les bons, justement, quand on parlait du football, ce qu'ils ont fait avec Fate Stay Night, globalement. Ah, j'ai du mal à dire que c'est une adaptation de jeu vidéo. Même si je suis un peu d'accord, c'est quand même tout un nouveau jeu. Et du coup, dans ce cas-là, c'est tout l'inverse. C'est qu'ils ont pas du tout pris le truc de base, ils ont fait un truc totalement différent et bien. Hein. Bah, d'un côté, il parle quand même du visuel novel, quoi. Visuel novel, c'est un truc de porn à la base, je t'en rappelle. Oui, c'est un héros gay. J'ai pas précisé que c'était un héros gay, mais. Donc, non, parce qu'en vrai, même. En fait, c'est que c'est le visuel novel qui a été fait après l'anime qui est cohérent avec l'anime plus que celui qui a été fait avant, quand même. Ouais, je suis pas tant d'accord que ça. Hein. Il y a débat. C'est un cas à traiter dans un prochain épisode. Du coup, pour moi, j'aurais dit Goditeur. J'ai pas aimé Goditeur. Oui, moi, j'ai aimé. Par contre, je remarque qu'on a parlé de Ace Attorney, on a parlé de Professeur Layton, on a parlé de Danganronpa, et tout ça se rapproche quand même assez du visual novel. Est-ce que le visual novel, c'est pas quelque part le type de jeu le plus simple à adapter? Bah, c'est pas béni, parce que c'est déjà. En fait, c'est des dialogues pas animés. Mm-hmm. Juste à faire l'animation. Grosses guillemets. Que d'animer. Sauf que si tu fais juste l'animation, on part sur le truc qu'on disait. C'est juste que Layton, ils sont partis sur un nouveau scénario. Estorny, ils sont partis où ils rajoutent quand même pas mal de liaisons entre chaque chose. Donc il y a du plus. Et dans Ganondorf, ils arrivent pareil avec du plus et rendre ça quand même ludique. Final, parce qu'il y a plein de visual novels, hein, surtout plein de visual novels en mode harem qui ont été adaptés. Et souvent, c'est. Bah déjà, bon, le RM, c'est chiant. Et en plus, c'est pas forcément très bien. Enfin, au bout d'un moment... Et à côté, il y a Umineko. Ou Higurashi. Ouais, mais Umineko, je préfère... j'aime pas trop l'anime, je préfère le... J'allais dire Higurashi, c'est un peu surcoté, mais... Bah, moi, je trouve un peu, mais... J'aime pas ça, mais... Après, bon, t'as tout ce qui est air, clanade... Oui, voilà, c'est sûr. Enfin, les visual novels, ça a été énormément adapté. Enfin, dans les années 2000, surtout. Maintenant, c'est les light novels. Et pas autre chose. Tu vois, j'adore Angel Beats, par exemple, mais bon, tu sens que. Après, il y a. Après, j'ai pas vu le visual novel. Le visual novel a été fait après l'anime. Ah ouais? C'est d'abord l'anime Angel Beats. D'accord. Donc, c'est pas pareil, pour le coup. Ce sera sur une autre émission où on fera les jeux d'eau adaptés de manga. Et oui, et là, ça va être. Et là, ça va être long. Du coup, c'est pareil pour... c'était quoi le dernier qu'ils avaient fait? Ils avaient fait Charlotte et juste après, ils ont fait autre chose. Little Buster? Non. C'est Little Buster, c'était après. Ah, non, Little Buster, c'était avant. En fait, il y a eu Little Buster refrain qui a été fait après Charlotte, c'est pour ça. Ah. Oui, non, mais celui, avec où c'est des... Le héros doit choisir entre plusieurs lycéennes. Oui, mais il pue la merde. Oui, bah oui. Mais non, le plot donne pas envie. Oui, non, déjà. Non, mais c'est l'époque où il bouffait sa merde aussi, là. C'est ça. Mais non, ça. Non, bah, très bien, du coup, on va pouvoir passer aux actus. Oui. Oui, moi je passe direct, il n'y a pas le temps. Transition les actus. Non, parce que je pense qu'on a quand même bien fait le tour du thème. On a vu plein de choses. Parce que j'avais remarqué aussi que, sur les mauvaises adaptations, on a plutôt des jeux orientés action, pas trop de scénario et. Et du coup, est-ce que c'est parce que c'est plus difficile de créer un scénario qui soit cohérent ou parce que au contraire, si tu crées un scénario, tu retrouves pas les sensations, le dynamisme, l'action? Je pense que c'est ça, c'est qu'il y a un juste milieu à avoir. Et le problème, c'est que quand tu joues à un beat'em all, en fait, tu t'attends limite à avoir qu'un truc de bourrin qui explose. Sauf que du coup, c'est dur de te contenter. Il y a certains genres de jeux, je pense, qui sont quasiment impossibles à adapter, en fait. Je pense que dès que t'as pas de zone un peu d'imagination pour combler les trous par l'animation, tu peux pas combler. Bayonetta. Ah, ils auraient pu, hein. Ils auraient pu réussir à faire un truc bien, moi. Je suis d'accord, parce que même ces animés, c'était juste le combat que tu faisais déjà, full en animation. Mais avec le nombre de démons, d'armes, par exemple, que t'as dans le jeu, t'aurais pu. Enfin, je sais pas, je vais pas dire qu'il y a des. Je pense que ça aurait marché. Je vais pas dire qu'il y a des gens spécialistes en chorégraphie, en animation. Si ça se trouve, ça existe, je sais. Oui, voilà, ça existe. Là, clairement, ça méritait vraiment une personne comme ça qui aurait imaginé un combat de. Sauf qu'il aurait fallu que ce soit une autre histoire, pour moi. En fait. Parce que sinon, tu t'aurais reproché trop des combats que tu faisais toi dans le vidéo. Tu vois le problème? T'as le problème avec DMC. Oui. Ouais. Ah ouais, parce que pareil, c'est que c'est exactement le même studio que Bayonetta, et l'anime DMC, il pue la merde. Ah bah oui, tiens, oui. Mais pour une autre raison, c'est que ils ont pas du tout compris qui était Dante, je pense. Oui. Vraiment. Ouais. Est-ce que au final, maintenant qu'Acom, c'est qui est vraiment Dante? Ouais, j'avoue que personne. Non, personne. Parce que DMC5, il est venu chier sur tout. Hein. Bref. Mais c'est vrai qu'il y a des genres de jeux plus compliqués à adapter. En fait, dès qu'il y a du dynamisme, c'est con, mais ouais, dès qu'il y a du dynamisme, c'est chiant. En généralisant. Ah oui, en généralisant. Après, dans le détail, tu peux regarder. T'as par exemple les Resident Evil, des générations et tout. Dès qu'il y a du dynamisme, mais ouais. Dès que le truc principal de ton jeu, ça va être sur l'action et le dynamisme. Ouais, dynamisme. Encore une fois, c'est pas les jeux qui sont adaptés. C'est toujours des histoires à part. Oui, non, bien sûr. Puis en vrai, les Resident Evil modernes sont eux-mêmes comme des références à des films de base, donc c'est encore un peu plus simple. Mmh, c'est vrai. Tu vois. Mais par exemple, le Street Fighter, c'est un jeu de baston, et pourtant, le film d'animation Street Fighter et Street Fighter 2, c'est super bien. C'est vraiment super bien. Et Street Fighter 2V, la série, t'en penses quoi? C'est super bien. Ouais. C'est ce que je viens de dire. Oui. Bah non, t'as dit le film. Le film et V2. Ah, ok, j'ai mal entendu. Le film avec Jean-Claude Van Damme. Non, c'est autre chose. Non, mais Street Fighter, le jeu vidéo, le film, le jeu vidéo. J'étais un peu là, vraiment. Ouais. Hein. Après, t'as Future Cops aussi. Hein. C'est vrai. Qui est une adaptation cachée de Street Fighter. Ah, très cachée, mais. C'est une contrefaçon. Ouais, mais c'est très bien. C'est sûr. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des trucs plus simples que d'autres. Mmh. Par exemple, Zelda, on ne misait pas du tout pour que ce soit bien en manga, en vrai. Mais ils ont réussi à avoir le bon angle. Parce que il y avait le problème de la série animée qui avait, oui, qui faisait vraiment un peu peur quand même. Mais c'est ah mais d'ailleurs, je voulais rebondir sur Eten tout à l'heure. D'où j'y pense maintenant. Il y a un manga Eten. Ah, j'ai pas lu. Que et c'est alors c'est pas l'étrange village, mais il y a le village je crois dedans. Enfin, c'est un... En fait, c'est un jeu qui est hanté. Il est genre hanté pour les enfants. C'est vraiment un cadre à une gamin. C'est un peu gag manga. Mais du coup, il y a des vraies énigmes à faire dans les cases. Ah, stylé. Et il y a 5 tomes. C'est chez Kaze chez nous. Ils sont hyper fragiles. Ouais, la couverture où il y a un trou en forme d'Eten dedans. c'est bon, c'est joli, hein, mais c'est fragile. Et du coup, pareil, je trouve que ça va sur d'autres choses, mais ça reste hyper cohérent avec, avec l'univers. C'est super cool, ouais. Mm-hmm. Et ça fait plaisir. Ouais, c'est plaisir. Bon, allez, on va conclure. Ouais. On va faire le tour d'actu de tout le monde. On va commencer par Yannick. Oui. Quelles sont tes actus, mon très cher? Oh bah, moi, toujours, hein, Twitch, même si c'était compliqué en ce moment, j'essaye. Ouais, bah, écoute, pour tout le monde. C'est ça, c'est. Bon, j'essaye, donc Twitch, twitch.tv/indie avec 4 i. Les fameux. Les fameux. Sur quoi t'es un peu en ce moment sur Twitch? Sur Twitch, alors en ce moment, je suis sur Ratchet & Clank. Ouais. J'en suis au 3e jeu. Ok. Bientôt le meilleur. Bientôt Gladiator, je sais que tu. Ouais, je vais voir Gladiator, mais. Mais du coup, ouais, bientôt Gladiator. Et je fais un peu de farm en ce moment sur Final Fantasy XIV. J'essaye de montrer, je fais que ça. Vraiment, je fais un peu que ça. Vraiment, vraiment. Mais ouais, non, je fais un peu beaucoup de farm en ce moment sur Final Fantasy XIV. Mmh. J'essaye de montrer un peu comment c'est du haut niveau, sachant que bon, bah moi, c'est mon premier MMO où je fais vraiment du haut, haut, haut niveau. Donc j'apprends encore énormément. On bah oui, me donne beaucoup cool de conseils. Donc voilà, sous forme d'une petite émission. Normalement, c'est par semaine, mais disons que ces derniers temps, c'était compliqué. Puis d'autres projets qui arrivent que je n'expliquerai pas parce que j'en ai pas encore parlé, j'en ai pas encore fait la promo. Ah ouais. Ah ouais. Tiens. Je ne teaserai pas tout de suite, mais ça arrive prochainement. On est pas dans la confidence, sympa les potes. Bah non. Sympa les potes, ok. Surprise, surprise. Et, bah non. Et après, bah, y a toujours Twitter, Indiana_60. Où voilà, je dis mes petites conneries de temps en temps. Avec Classico. Avec Classico, toujours. Voilà. Mon très cher Benjamin. Moi, du coup. Quelles sont tes actualités un peu? Les actus, bah du coup, bah j'ai Twitch aussi. Waouh. Night _Sarix avec un Y. Exactement. Donc on peut tout retrouver sur Discord aussi, sur Twitter. Pas sur le Night, hein, le Y. Dans la description du podcast, comme d'habitude. Donc Night, N-I-G-H-T, N-A-R-Y-X, voilà. Parce que, apparemment, on sait jamais, hein. On sait jamais, non, c'est vrai. Tu fais sur ton Twitch? Ce que je fais sur mon Twitch, alors j'ai un marathon sur la saga Metroid qui bat un peu de l'aile en ce moment. Ouais, ouais, ouais. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait, mais. Une fois que j'aurai terminé Metroid Prime 3, ça ira mieux. Non, il y a Ozorem. Ouais, mais avant, il y a AM2R. Il est Super Metroid. Ouais, mais il y a aussi Ozorem. Bon, il y aura Ozorem. Ça va rappeler, quoi. Les Metroid sur Wii, voilà. Mais, Ah, j'aime bien Prime 3 quand même. Ouais, Prime 3, il est, ça va. Oh, il est bien, mais quand il passe après Prime 1 et Prime 2, ouais, il se trouve à la concurrence. Il y a deux pépites. Et déjà que j'ai trouvé que Prime 2 souffrait de la concurrence. Oui, c'est con, mais bon. Voilà. Et sinon, à part ça, bah, je fais du Zelda Randomizer. C'est très très cool. Donc, oui, Ocarina of Time et Wind Waker. Surtout Wind Waker. Lunettes, tout ça. Sur Ocarina of Time, j'essaye de faire. Enfin, je commence tout juste à essayer de faire des chronos, de rentrer dans des classements, en compétition, etc. Mmh, propre. Là, la dernière fois, ça s'est pas super bien passé. Non, pas toujours. C'est la RNG dissidente, hein, classique. Ah, il y avait pas que la RNG, hein, il y avait l'exécution. Là, il y avait que les Vicky Cole et la RNG, quoi. Le fameux. C'est le stress de la première fois. La peur de gagner, hein, tout ça. La fameuse. La stream value, tout ça. Ouais, toujours. Les marques. Non, selon tel rank. Les marques, la victoire. Voilà, voilà. Toujours. Si je commence super bon, les gens vont s'habituer. Voilà. Si je commence mauvais, ils vont rester. Ce sera forcément fort à leurs yeux. Quoi. La poudre aux yeux. Voilà. Et sur Wind Waker, où là, je suis plus sur le jeu fun. Ouais, fun, je fais en sorte de changer le modèle du personnage, histoire de. De varier les plaisirs. De varier, de voir un peu ce que certains modeurs ont réussi à faire. Je suis toujours subjugué par ce Link vacancier. Le meilleur. C'était exceptionnel. Trop bien. Je pense que je vais refaire quelques parties avec lui. Ouais, hein, ouais, il faut. Ouais. Voilà. Et à part ça, rien n'empêche dans la suite de jouer à je sais pas quel jeu suivant ce que j'aurais envie. Oui, parce que pendant le confinement, t'avais fait beaucoup de Ring Fit par exemple aussi. C'était cool. On suivait tes entraînements quotidiens. C'était vraiment cool de suivre là-dessus aussi. Et c'est vrai que moi, je suis vraiment amoureux de Randomizer. Hein. C'est trop bien. Randomizer, c'est le nom Zelda, vous avez le nom Zelda, vous saviez ou non ce que c'est. C'est vraiment des barres. Encore plus, en vrai, si vous connaissez vraiment les jeux, vous allez dire, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Genre, moi, quand je suis arrivé la première fois sur Randomizer. C'est cool. Puis il y a moyen de pas le trouver dans le chat en plus pour te faire chier, donc c'est vraiment super cool, quoi. Oui. Les Danettes de Wind Waker. Les Danettes de Wind Waker. L'hiver. Les classiques, quoi. Non, c'est... Et sur Ocarina of Time, ça va être tous les pièges de glace. Voilà, les fameux sauts, quoi. Voilà. Les fameux sauts. Et puis, j'essaye toujours, et pour moi, c'est quelque chose d'important, l'interaction avec le chat. Oui, classique. Mmh. De toute façon, on stream tous un peu pour ça, donc c'est classico. Ce qui fait que si quelqu'un arrive et comprend pas forcément le randomizer, je vais pas juste lui dire, va chercher, je vais essayer de lui expliquer, prendre un peu de temps. Les descriptions connards. À quand un point d'exclamation en finalement déjà j'ai fait un point d'exclamation async quand j'ai fait ma course classement parce que bon je pouvais pas le principe d'une course je peux pas vraiment perdre de temps à expliquer compliqué quoi mais du coup le point d'exclamation randomizer qui pourrait envoyer sur un petit article ça peut être pas mal très cher Eric qu'est-ce que tu as comme actu? Oula, alors moi je suis un peu dans ma grotte en ce moment. Je joue à Kingdom Hearts 3. Donc voilà, j'en suis sans doute à la moitié, hein, voire même plus que la moitié. Mais pas sur Twitch. Vous n'aurez pas le plaisir ou le déplaisir de me regarder jouer. Rappelez-vous. Ni farmer. Rappelez-vous, lors de sa présentation, il a dit qu'il était connu IRL, mais pas sur Internet. Voilà, donc vous allez me trouver juste sur Twitter à la rigueur, et puis voilà. Hein. Et sinon, je farm un peu Duel Links. Donc si vous voulez faire des duels contre moi, Yu-Gi-Oh! Duel Links, excusez-moi. Ouais, vas-y. Quoi? Oui, non, mais si vous voulez faire des duels contre moi, vous pouvez, aucun problème. Et je joue un peu à Power Rangers. C'est Battle for the Grid, si je me trompe pas. C'est ça. Voilà, sur smartphone aussi, et puis voilà. Ah, du coup, sur smartphone, c'est pas du tout ça, c'est Legacy Wars. Alors, c'est Legacy of Wars. Excusez-moi, c'est Legacy of Wars. Non, Legacy Wars, toujours, hein, vraiment. Quoi? Legacy Wars. Bon, d'accord. Bah, Legacy Chacun Wars. Son moment, Eric. Ouais, bah oui. Moi, j'ai Square Enix. Je joue à des jeux. Il est féru de jeux vidéo. Je suis féru. Mais t'auras pas une grosse actu qui arrive cet été pourtant? Il voulait le dévoiler un certain suite. Duo, moi je voulais le laisser. T'as une grosse actu cet été. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors cet été, avec notre cher Arthur National de Dijon. Eh oui. Tu es dans le fin direct. Moi, vous savez. Petite nation. Petite nation. Ah, c'est la Bourgogne, beau pays. Hein. Ah bah, beau pays, oui. Ça... La nation, c'est pas la Bourgogne, c'est Dijon. Ouais, c'est... Voilà, c'est Dijon. C'est vraiment Dijon. Ah, oui, alors, qu'est-ce que tu fais cet été? Eh ben, on va commencer un podcast. Ah, un podcast. Vous avez déjà un podcast. Mais... Oui, mais... Moi, il va tuer dans mon élan. Mais oui, dites-nous un peu, quel type de podcast cela va-t-il être? Nous ne sommes pas des acteurs, tout, et ça Eric. Se voit, là. Dis-nous tout, Eric. Oula, alors est-ce que je vais bien résumer? On va voir ça dans quelques instants. T'as plutôt hâte. Alors, synopsis. Synopsis. Deux points. Deux points. Préparez-vous. Non, mais quel est le thème de ce podcast? Le thème de ce podcast, c'est la saga Power Rangers. Mais quelle saga Power Rangers? Alors là, c'est très compliqué. Oula, ouais. La saga Power Rangers. La saga Power Rangers. La saga. Très bien. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Eh bien, c'est très Kamen simple. Rider, tout ça? Juste Power Rangers? Non, juste Power Rangers. Alors, je vais prendre le relais parce que je dois patauger un petit peu, mon très cher. Alors, cet été, avec mon très cher Eric, avec un petit peu de soutien quand même de Yannick, quand même en backstage, l'ombre, toujours. Un peu en off, ouais. Avec la régie. On sort, du coup, le premier podcast français Power Rangers, avec Eric. Francophone même d'ailleurs, même pas. Oui, bah oui, mais ouais, même. Et on a pour but, donc vous savez, vous l'avez entendu un petit peu dans le hors-série sur Ryu Soldier qu'on a fait dans Animity X. On est vraiment fan de Power Rangers, mais vraiment premier degré. Et oui. Mais pas forcément que du lore, également de tout ce qui gravite autour. Donc le marketing, la création, business, tout ça, tout ce que ça a impacté, les anecdotes de tournage, etc. Et donc on va compiler tout ça dans un podcast. Comme de vrais historiens, en fait. Ça, en fait, c'est un travail de recherche où je bosse depuis plus de 4 ans, à la base pour un bouquin que j'adapte, du coup, en podcast. Donc, c'est un truc énorme. On a déjà des interviews planifiées avec certains acteurs. On a pas mal de choses vraiment qui... Non, mais vraiment, c'est un gros travail. Ouais, non, mais sérieusement. Hein, ouais. Et là où Animity X, on est là pour, en tant que passionné, pour discuter et plus en mode débat. Là, alors, Podcast of the Grid, qui est le nom... du podcast. Et il va c'est être sûr que c'est pas War Legacy. non, c'est pas ça. Non, je suis certain. Donc Podcast of the Grid, ce sont des podcasts qui vont être en fait écrits, tramés pour vraiment avoir une ligne directrice et donner toutes les informations nécessaires. Donc comment va être dispatché ce podcast? Ce sera un podcast mensuel. Le premier sortira donc cet été normalement au mois d'août et il se nomme déjà l'homme derrière le casque. J'adore le jeu de mots. Et donc, on va parler de qui est Saban, le créateur de cette licence Power Ranger qui continue encore aujourd'hui. Et puis après, chaque épisode sera consacré à une série Power Ranger. Donc, on a planning déjà jusqu'à la fin de 2023. Eh oui. De podcast. Eh oui. Et d'ici là, d'autres séries vont sortir. Elles sont déjà prévues dans le planning. Parce qu'on sait lesquelles vont sortir. Ah, ouais. Ah, merde. Chaque année, on a un an d'avance. Évidemment, entre chaque passage de flambeau d'air, il y aura également du marketing. Et le but, sachant qu'en plus, Mighty Morphin Power Rangers, c'est divisé en 3 parce qu'il y a 3 saisons. Ouais. Enfin, voilà. Le but, c'est qu'on soit vraiment, on parle à maximum. Ah oui, avec les films. Ah oui, non, il y aura des films, il y aura plein de choses. Et une fois qu'on aura fini les séries, on attaquera les jouets, on attaquera également les jeux vidéo, les comics, tout ce qui gravite autour. Le but, c'est qu'on puisse parler de manière vraiment complète de cette licence. Et surtout, c'est on veut porter aucun jugement de valeur sur la série. On ne dira pas même qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On fera peut-être des offs, pourquoi pas. Des petits hors-séries, des offs ou des lives. On verra comment peut-être plus parler de ouais, ça, on trouvait ça bien et tout. Mais le but, c'est juste qu'on soit là en but de documentation. C'est un travail de juste pourquoi ça existe, pourquoi t'as joué telle chose, et essayer de donner un regard que ça parle aux néophytes. C'est pour ça que si on va tout bien reprendre de A à Z, pour aller, et qu'on parle de choses, on va bien décrire un maximum. Mais également aux aficionados, qui du coup pourront trouver en un seul endroit, surtout en France, on n'a aucune ressource française pour les Rangers quasiment. Il y a des très bonnes émissions YouTube, mais qui parlent en fait de Tokusatsu, donc de Super Sentai. Mais alors Power Rangers, c'est assez pauvre. Souvent, c'est des hors-série. Genre, en fait, qu'est-ce que c'est Power Rangers? Donc on va tradoter. Ouais, Saban, il a été au Japon, il a ramené ça. Bah oui, nous, on va le dire dans le premier truc. Mais, et j'ose le dire ici, on a des infos exclues FR qui arrivent dès le premier podcast. Donc, soyez à l'écoute si vous aimez. si vous voulez en apprendre et découvrir un peu cet univers Power Ranger, peut-être que vous avez envie de vous y mettre, écoutez-le. J'espère que ça vous plaira. Nous, on tape vraiment de ouf dessus. Là, c'est un travail de grosse, grosse haleine. C'est un peu un mastodonte. Et c'est un peu enfin, on va pouvoir actualiser tout joli, ça. Joli. Tu l'as. Ouais, ouais, ouais, putain. Très joli. Très joli. Donc voilà, c'est... ça va pas forcément être drôle. Si, ça va être... En vrai. Parce qu'il y a, oh, y a des surprises dedans, ça va être un peu rigolo, j'avoue. T'as dit que c'était avec toi et Eric. Oui, c'est bon, ça vous allez rire. Vous allez rire. Je pense que. Donc, ouais. Il y aura forcément il y aura un pas pourcentage. Un peu d'invités hors les interviews du coup, des acteurs. Mais du coup, ce sera forcément différé, complexe, pas sentir. Ouais. Donc on peut déjà annoncer d'ailleurs un acteur, du coup, Mike Chat, le Power Ranger bleu de Lightning Rescue. Donc il y a un peu de temps à revoir, et voilà, c'est calé, c'est... j'ai très très hâte, ça va être trop bien. Et j'ai commencé à avoir des contacts avec les derniers rangers un peu là, parce que c'est le plus simple à avoir, donc oui. Ah bah, c'est ouais, clairement. Forcément en même temps. Ouais, voilà, très très hâte de, que tout ça se goupille, j'espère que ça vous plaira, il y a plein de choses qui vont graviter autour de ça. Il y a déjà un Twitter pour Podcast of the Grid, donc c'est podcast_grid sur Twitter, et on a également maintenant un Twitter, oui, c'est vrai que j'ai pour Animinute IX, Animinute _IX, tout vous trouvez en tapant sur les recherches. Enfin, donc on va tout centraliser dessus. N'hésitez pas à nous taguer si vous avez des questions, à nous MP, les MP sont ouverts. Ce sera plus simple pour vous à réunir pour, parce qu'il n'y a pas de commentaires sur les podcasts. Oui. Voilà. Vous pouvez faire un podcast de commentaires sur le podcast. Hein. Et oui. Une FAQ. Un podcast sur les commentaires de Sens Critique sur les podcasts. C'est ça. Du coup, n'hésitez pas. D'ailleurs, encore merci parce qu'on a encore explosé les records d'écoute sur le dernier. Ouais. On est entré dans le top 18 iTunes, anime, manga, FR. Enfin, vraiment, vous gérez de ouf. On pourrait, enfin, on continuera sans vous, hein, mais ce serait pas aussi bien sans vous, c'est sûr et certain. Ça, donc, merci à tous. On essaie d'avoir des invités à nous proposer, n'hésitez pas. Nous, on essaie d'avoir un spectre un maximum large. Des thèmes. Voilà, les thèmes. Nous, on a beaucoup de thèmes écrits. Pareil, si vous avez envie d'avoir des thèmes, des choses que vous voulez avoir, ou même si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas, vous venez sur Discord, on vous prend soit en enregistrement, soit en différé. On adorerait faire un peu une radio libre une fois, un peu en série, pour parler un peu anime, vous ressentez vos animes, etc. Ça peut être vraiment cool, donc n'hésitez pas à nous dire, nous on prend. Moi pour une fois, j'ai un peu d'actu, autre podcast, parce que c'est une grosse actu quand même, elle est pas encore sortie. Du coup, suite à ce podcast, j'ai également ouvert un nouveau compte Instagram qui s'appelle The Flat Rangers, qui est en fait un concept de graphic design minimaliste qui reprend un peu la DA de la collection de jouets Lightning Collection des Power Rangers. Ouais. Et en gros, je rends très minimaliste tous les Power Rangers. Et je partage gratuitement, du coup, plein de fonds d'écran pour téléphone et du coup d'avatar. Donc c'est dispo à The Flat Rangers. Vous pouvez avoir plein de trucs, vous aimez les Power Rangers, vous allez sûrement kiffer, et vous pouvez utiliser ça gratos, il n'y a aucun souci, tout est sur l'Instagram. Licence libre. Évidemment, mais pour le personnel, pas pour le commercial évidemment, parce ah que bah oui, oui. J'ai une certaine limite d'éthique, parce que vraiment, premier jour, j'ai posté ça sur un groupe Facebook Power Rangers pendant la première, directement j'ai un message, est-ce que je vais l'utiliser pour ma gamme de jouets que je vends? Je fais, non. C'était même pas en mode, oui, mais je veux de l'argent, c'est, en fait, je veux juste partager avec ça à tout le monde. Donc, le but, c'est pas que toi, tu le mettes sur des boîtes, du coup, on va penser que c'est un truc dérivé de toi, enfin, c'est pas le but. Oui, voilà. Voilà, quoi, c'est aussi simple que ça. Donc, il l'a compris, voilà, mais, je préfère le prévenir tout le monde, c'est fait pour que vous puissiez le mettre au fond de votre téléphone, en avatar et tout. Il n'y a pas de souci, si, qu'on vous créditez ou non, je m'en branle. Juste, voilà, je vous disais pour vous, c'est tout. Kiffez-vous, moi je kiffe les faire, l'important c'est ça, je les fais, je les partage, vous kiffez, et voilà. Et bientôt, je reprendrai Twitch. Voilà. Quand j'aurai le temps. Sauf qu'il y a plein de choses de prévues. C'est quoi ton Twitch d'ailleurs? Et Ninja_nudiste, avec Classico. Ça, on n'y cherche pas. C'est pas loin de Discord, il y a les tweets de tout le monde, il y a les tweets de tout le monde dessus. Il y a tout en description pour tout le monde, comme d'habitude. Merci à vous trois d'avoir été là. Mais merci. Ah bah, merci de nous avoir invités. Hein. Bah, c'est toujours un plaisir. On se dit à très bientôt, d'ici juillet, août, pour un épisode un peu spécial, ça va être cool. C'est les un peu de chillax. Oui. Donc, voilà, j'ai très hâte de le tourner. Donc je vous souhaite du coup de bonnes vacances pour bientôt, ceux qui écoutent ça plus cet été, machin et tout. Portez tous vous très bien et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Anime Minute IX. Finir en pause, j'ai kiffé comme manteaux. Bouge pas en criant à bientôt. Pendant que les Yankees me traitent de Yankee, je fais mes bails. J'ai plus trop de thunes, mais je vais recycler mes pailles. T'as bien sucé, t'as mérité tes médailles. Pour moi, c'est soit le succès, soit des gars irrémédiables. Ces salopes me traitent de junkie, elles ont raison. J'arrête que quand j'ai visité toutes les maisons. Attention, jeune char aux zones sur les réseaux. Je fume pas, mais je suis fonce car aux autres, genre de médoc. Tu piges, Zaymas, Arigato. C'est nous qu'on va finir en tôle. J'ai kiffé comme au Dubaï last, mais je veux pas finir en tôle. Donc pas en criant à bientôt. Paris, ça ressemble de plus en plus aux States. Faut esquiver les puristes, les gender fluides, les nudistes. Regarde le monde s'embraser sans lever le pinky. Plus je raconte de la merde, plus on veut me laver le kiki. Donc j'ai ces mongols s'écharper sur leur couleur de peau. Leur religion, leur trou de balle, leur grosse douleur de dos. Trois followers, ils feront tout ce qu'on leur demande. Donc je retourne faire mon rap de blanc. Tu connais, on veut de la grosse chatte, de la grosse monnaie. Qu'on dépense dans des causes peu nettes. Cerveau grillé comme Yann Barthès qui fait des grosses quenelles. Donc demande pas si le gosse peut naître, c'est dead. Ça fait qu'Ozaïmas, arigato. C'est nous qu'on va finir en pôle. J'ai kiffé comme au Dubaï, mais je veux pas finir en tôle. Donc je pars en criant à bientôt.